Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 30, Gliglois et l'âtre périlleux. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et on va vous retrouver aujourd'hui pour parler de deux aventures du bon chevalier, Gauvin, comme il est connu dans la plupart des romans. Monseigneur Gauvin, effectivement. Vous allez peut-être vous dire, on fait une année très Gauvin. Ben oui, accrochez-vous parce que ça va être une année très Gauvin, effectivement, avec notamment la sortie bientôt du film de David Lowery, The Green Knight, basé sur le poème anglais Gauvin le Chevalier Vert, dont on devrait bien vous parler, un de ces quatre. Même si c'est vrai que c'est un roman de la fin du XIVe, début du XVe siècle, donc on est quand même un peu plus tardif que ce qu'on est en train de vous... C'est une des histoires un peu classiques du canon pour les Anglais, en fait. C'est l'histoire anglaise par excellence avec Malory, c'est la romance de Gauvin que tout le monde connaîtra, parce qu'on connaîtra pas forcément justement les petits romans français. Bon, un trait commun que The Green Knight a avec tous ces petits romans français, c'est d'avoir un seul manuscrit. Il y en a qu'un peu plus. Oui, beaucoup d'entre eux n'ont pas beaucoup plus, effectivement. Et effectivement, The Green Knight est connu parce qu'il fait partie d'un manuscrit assez célèbre, le manuscrit de Perle, ou le manuscrit de Gauvin, comme on l'appelle parfois, qui est un manuscrit assez idiosyncratique, qui contient quatre poèmes assez inédits autrement. Enfin, assez inédits autrement, complètement inédits autrement. Mais bref, Gauvin et le Chevalier Vert, c'est effectivement une de ces histoires assez... qui a un certain pouvoir dans l'imaginaire anglophone, parce qu'il est aussi assez concentré. C'est un roman arthurien assez court, qui est très punchy comme ça. Il y a vraiment un seul récit suivi, qui est facile à suivre et qui a un impact et qui a vraiment des images assez fortes. Et c'est pas surprenant, effectivement, qu'il soit maintenant le sujet d'un film. Alors, David Lowery, qui le réalise, est surtout connu pour avoir fait... récemment, je crois qu'il a fait The Old Man and the Gun avec Robert Redford. Il a fait un remake de Peter et Elliot le Dragon pour Disney. Et là, il est sur un remake de Peter Pan, donc pour Disney encore. Donc, c'est plutôt des films assez familiaux, j'ai l'impression. Alors là, ça a l'air beaucoup, beaucoup plus différent. On a vu le trailer qui est sorti récemment. Tout à fait Ils ont l'air d'aller dans une direction, parce que le problème de Gawain and the Green Knight, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, du coup, si vous voulez en faire un film. C'est Gauvin est amené quelque part, il a une épreuve qui n'implique pas beaucoup d'action par rapport à d'autres romans arthuriens. Vous n'allez pas avoir de combat contre un dragon. Et en fait, c'est un challenge qu'on trouve déjà dans les romans français, en fait, c'est que, comme on l'a déjà dit, une des caractéristiques qui touche souvent Gauvin, c'est qu'il est mis dans des situations où c'est extrêmement difficile d'être courtois. C'est-à-dire qu'il est placé dans des situations où c'est impossible de répondre à tous les impératifs de la courtoisie. On avait déjà vu, je pense, le Chevalier à l'épée, qui est un des meilleurs exemples de ça, où il se retrouve chez un autre qui lui dit « Allez-y, couchez avec ma fille », puis il se rend compte que c'est impropre, mais il sait aussi que si on désobéit à l'autre, on est tué. Donc il se retrouve coincé dans une espèce d'étau, et il est mis à l'épreuve comme ça. Une autre chose, des caractéristiques des romans de Gauvin, qui n'est pas vraiment dans The Green Knight, c'est qu'il est un peu ce que un livre sur le sujet de 2000 avait appelé « L'idole inconnue ». C'est un livre de monsieur Stoyan Atanasov qui parlait de Gauvin dans les romans du XIIIe siècle en l'appelant l'idole inconnue. C'est-à-dire qu'il est connu, mais les gens ne le reconnaissent pas. Ça, c'est un des traits aussi qu'on va voir dans l'âtre périlleux, qui joue particulièrement avec cette dimension sur l'identité et tout ça. C'est que tout le monde a entendu parler de Gauvin et tout le monde l'admire, mais souvent il se retrouve dans la présence d'une dame qui lui dit « Ah, Gauvin, j'aimerais bien être amoureuse de lui, etc. J'aimerais bien être dans une relation avec lui. » Mais quand il est en face d'elle, il ne la reconnaît pas. Ou alors, il y avait dans la première continuation une dame qui tombait amoureuse de lui sans le connaître, et on savait pas trop comment. Est-ce qu'elle avait un portrait de lui ou quelque chose? Aussi dans Perceval, à la base, la jeune fille aux manches courtes qui l'admire. Comme ça. Je pense que c'est assez commun, en fait. C'est pas tellement qu'il est... Je pense pas que ce soit le fait qu'il soit inconnu qui est spécifique tant à Gauvin, c'est le fait que c'est un des rares chevaliers qui a une telle célébrité, en fait. Oui. Et effectivement, les chevaliers, ben, ils ont beau avoir une célébrité, dans un monde sans médias de masse, sans façon réaliste de donner un portrait fidèle de quelqu'un à des tas de personnes, ben, inévitablement, les gens vont avoir une image assez distante, une image qui se font eux-mêmes en entendant parler des exploits de quelqu'un, mais sans pouvoir le reconnaître physiquement. Et même s'ils l'ont vu, par exemple, jouter, ben, ils vont reconnaître peut-être son bouclier, son armure, mais vu que bah, les boucliers ça disparaît assez vite, les armures ça peut changer, les couleurs peuvent être empruntées à quelqu'un d'autre, puis surtout on voit mal la mêlée dans un duel depuis loin, donc j'imagine qu'il y a aussi un côté simplement il est spécifique parce qu'il est une idole, et le fait qu'il soit inconnu, bah, finalement c'est un peu le propre de tous les chevaliers qui se reconnaissent jamais les uns les autres, même quand ils sont les meilleurs amis du monde. Ils doivent se battre pendant quelques heures avant de le reconnaître. C'est précisément ce qui va se passer dans l'âtre périlleux qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un chevalier qui a un bouclier des armes qui ressemble à celle de Gauvin qui est tué, et à cause de ça, la rumeur commence à se répandre que Gauvin est mort, et c'est comme s'il perdait son nom, en fait. Et comme tout le monde pense qu'il est mort, il va pas essayer de combattre la rumeur jusqu'à ce qu'il ait mis fin aux exactions des gens qui avaient tué ce premier chevalier. Il se fait appeler le chevalier sans nom. Et c'est l'autre trait typique de Gauvin, c'est qu'il il n'est jamais incognito. C'est-à-dire que quand on lui demande son nom, il va toujours le dire. Alors il va pas le dire si on lui le demande pas, mais il va toujours donner son nom si quelqu'un lui demande frontalement. Et il dissimule jamais son identité. Première continuation toujours où quelqu'un disait « Ah, si Gauvin était là, je le truciderais. Enfin, mais je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Comment vous appelez d'ailleurs ? Je m'appelle Gauvin. Ah, Gauvin !» Oui, il y a ce côté vraiment un peu, parfois qui est un sort comique. Mais dans Gauvin, le Chevalier Vert et donc son adaptation qui va sortir, là, ce qui est intéressant, c'est plutôt vraiment ce qu'ils en ont fait, ça a l'air d'être tout ce qui est autour, en fait, l'espèce de réflexion sur la chevalerie, sur qu'est-ce qu'un chevalier. Et là, ça a l'air même d'aller plus loin avec des réflexions qui semblent tourner autour de la royauté, de l'identité. Enfin, on sait pas grand-chose pour l'instant, il faut dire, parce qu'on a eu qu'un trailer un peu mystique. On sait seulement que le rôle de Gauvin sera joué par Dev Patel, donc un acteur qui est assez connu. C'était lui qui était dans Lion récemment, je crois qu'il était. Il a eu. Pas mal de succès aussi pour ses rôles dans Skins à la base, à la télé britannique. Et puis bien sûr, il était dans Slumdog Millionaire aussi de Danny Boyle. Donc c'est un acteur un acteur anglo. Quelques séries aussi. Il est britannique, mais il est d'origine, je crois, ses parents viennent du Gujarat. Donc c'est un acteur de couleur aussi, ce qui a aussi causé pas mal de, d'encre. Une réémergence du discours sur les chevaliers de couleur à la cour d'Arthur. Voilà. Et du coup, on a eu beaucoup de gens qui ont parlé de Fairy Fizz et de Morien et de Palamède aussi, si vous vous rappelez notre épisode sur le Tristan en prose. Ce qui est un peu, ouais, comme d'habitude, c'est un peu, oui, c'est vrai qu'il y avait des chevaliers de couleur à la cour d'Arthur dans plusieurs aventures, donc c'est intéressant de dire, bon, vous savez, même les auteurs médiévaux de ces histoires n'étaient pas aussi racistes que les crétins malfaisants qu'on trouve sur Twitter. C'est quelque chose d'intéressant à dire. Mais c'est aussi les personnages de couleur aussi dans ces histoires sont très stéréotypés. Et puis, Après, il y a aussi le fait que si tu dis oui, mais on a le droit de mettre un acteur de couleur qui va jouer un chevalier parce qu'il y avait tel chevalier, tu capitules un peu à la prémisse des types qui disent ouais, mais il n'y avait pas de chevalier de couleur. Tu leur dis ah, mais non, il y en avait un. T'as le droit de mettre t'as le droit de caster des acteurs de couleur. Non, c'est ça. Surtout que Même d'arrière-pensée, même s'il n'y en avait pas eu, ce serait tout à fait légitime de laisser Dev Patel jouer Gauvin. Surtout que je trouve que Dev Patel fait un bon Gauvin en termes de. Je trouve qu'il a vraiment une vibe qui est parfaite. Il est vraiment entre le. Il a vraiment un bon. Vu les rôles qu'il jouait, puis son jeu d'acteur, etc., je trouve qu'il peut faire un très très bon Gauvin, enfin en termes du personnage. Voilà, on retrouve Alicia Vikander qui va sans doute jouer un rôle de la dame, donc c'est sans doute la dame Bertie Lac de Gauvin le Chevalier Vert. De façon intéressante, il y a un acteur qui joue le Chevalier Vert et un autre auteur qui joue un rôle nommé le Seigneur, donc on peut penser que les deux personnes, ce sera le double. Si vous connaissez Gauvin le Chevalier Vert, le Seigneur Bertie Lac et le Chevalier Vert, on vous en reparlera d'ici là. Spoiler pour une histoire qui a 700 ans, mais. Voilà. Mais 600 quand même, pas tant que ça. Ouais. 630 ans, quelque chose comme ça. Mais du coup, oui, Joel Egerton, on a Alicia Vikander, Shanna Harris qui jouera le roi Arthur, et puis Kate Dickey, l'actrice qui jouait la sœur de Catelyn dans Game of Thrones, qui jouait. Je crois que c'est son nom, c'était Lisa Arryn. Lisa Arryn, oui, de la Seigneur des Herriers. Voilà, qui était dans Game of Thrones, qui jouera la Reine Guinevere. Donc, un bon cast d'acteurs britanniques, tout à fait. Qu'on a vu plein de fois, mais qu'on reverra avec plaisir dans ce film qui a l'air assez. qui a l'air assez bien parti pour avoir l'évocation un peu étrange, que peut avoir, l'effet un peu étrange que peut avoir un roman arthurien pour nous aujourd'hui. Serait-ce l'année du bon film arthurien qui a été annoncé par les prophéties ? Ouais, c'est ça. Je veux dire, entre ça, on a ça, Kaamelott, Cursed qui va peut-être être annoncé. Bon, donc, c'est une série télé, Cursed, non ? Cursed, c'est une série télé, mais je veux dire, en termes de cinéma arthurien, on va avoir quelques petites aventures cette année. Donc on se réjouit de le voir, il sort le 29 mai normalement. Je sais pas trop où il va sortir ici. Techniquement, c'est un studio indépendant qui... Ouais, ça a été diffusé par A24 qui est qui est quand même un producteur assez, disons, couru aujourd'hui. Ils sont je sais pas si ça sera distribué en Suisse de façon identique, mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir dans nos contrées. Sinon, on fera s'émigrer. Espérons. Et ce sera l'occasion de parler un petit peu de Gauvin et le Chevalier Vert avant l'heure, en fait. Oui, parce que c'est vrai que sinon, si on se fie à notre plan, on devrait l'atteindre dans 2-3 ans. Donc, espérons qu'on fasse un peu plus vite. On va peut-être prendre des raccourcis, parce que je ne pense pas qu'on va réussir à faire toutes les œuvres allemandes avant de faire les romans anglais. Voilà, mais du coup, ouais, on se réjouit de voir Gauvin affronter le Chevalier Vert sur grand écran. Et d'ici là, bah, on va avoir l'occasion de voir Gauvin avoir quelques aventures sur la feuille de parchemin. Mmh. Ou la transcription sur papier de la feuille de parchemin à la suite d'un incendie, comme on va pouvoir le voir avec Liglois. On va pouvoir en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'un des traits communs de ces aventures de Gauvin, on en avait déjà vu, on avait vu la mule sans frein et le chevalier à l'épée de notre épisode 19, on avait vu Mérogis de Port-Léguay et la vengeance Raguidel de notre épisode 26. C'est généralement la règle qui a été mise en place par Chrétien de Troyes. Vous avez une aventure soit de Gauvin, ce que Chrétien de Troyes n'a jamais exploité complètement, pas vrai, Gauvin a toujours un rôle de j'ai pas envie de dire faire valoir, mais il a toujours le rôle de mettre en évidence le héros du roman, dans le meilleur des cas par symétrie. Le Conte du Graal, vous aviez vraiment Gauvin et Perceval qui sont les deux volets de l'aventure. Mmh. Partout ailleurs, Gauvin intervient légèrement pour être un peu l'étalon du bon chevalier, quoi. C'est le neveu d'Arthur, vous avez le mauvais chevalier qui est queue, et puis après vous avez le héros. C'est un peu la règle qui est suivie. Là, c'est des aventures qui vont concerner soit Gauvin dans l'âtre périlleux, qui est clairement une aventure de Gauvin, comme l'était la mule sans frein ou le chevalier à l'épée, et puis Gliglois, c'est un très court roman, où au contraire, c'est un chevalier, Gliglois, qui va être le héros, et puis Gauvin, là, sert vraiment de faire valoir, parce que là, c'est une où Gauvin n'est pas vraiment vu de manière très positive. Ouais, pas non plus extrêmement négative. Pas négative, non, il a bon cœur, etc., mais c'est clairement, en fait, il est clairement là pour montrer, regardez, Gauvin est délaissé par l'amour de cette dame, et c'est Gliglois qui va le récupérer. L'histoire de Gliglois, c'est donc celle d'un chevalier qui vient d'Allemagne. Il arrive à la cour d'Arthur, le truc assez classique, son père l'envoie là pour parfaire son éducation, et puis il y a une dame qui s'appelle Beauté qui arrive à la cour, et puis oui. Gauvin tombe immédiatement amoureux, mais elle le repousse, et puis Gauvin envoie Gliglois, qui est un de ses gens, qui fait partie de son entourage, pour la servir, pour essayer de se bien faire voir, et Gliglois tombe immédiatement amoureux aussi, elle le repousse aussi, elle est assez méchante avec lui, et puis au final, après une certaine forme de dévotion, elle lui envoie porter un message, et puis le message, en fait, dans la lettre, ça dit « Ma chère sœur, je vous fais porter cette lettre par un chevalier dont je suis très amoureuse », et en fait, elle était secrètement amoureuse de Gliglois, et ils peuvent se marier et vivre très heureux. Gauvin est un peu triste, mais il est content pour lui, quand même. Il est quand même content pour lui, parce que voilà, justement, Gauvin, c'est le chevalier courtois qui est censé faire ça. Ça, c'est l'histoire de Gliglois assez court, 2900 vers et quelques, on parlera de l'histoire du manuscrit dans un instant. L'âtre périlleux, c'est une autre histoire un peu plus longue, qui est un peu classique pour les aventures de Gauvin, qui commence avec un incident déclencheur où une dame se présente à la cour d'Arthur et est enlevée. Gauvin court à sa poursuite, un peu tard en fait, il finit de manger avant de partir, on va pouvoir en parler, et il doit poursuivre Escanor qui l'a enlevé. Et le vaincre. Apparemment, Escanor, il y a eu une espèce de prophétie qui disait que c'était un des rares chevaliers où la mère de Gauvin n'était pas sûre de si Gauvin arriverait à le battre, parce que sa mère est un peu une fée. Mais entre-temps, à peine est-il parti, il a découvert un chevalier qui était éborgné, un écuyer éborgné, qui a été témoin d'un meurtre, le meurtre de Gauvin. Puis alors lui dit, non mais je suis à peu près certain que j'ai vu Gauvin en bonne santé. Puis on lui dit, non, j'ai été son écuyer pendant un tournoi et je suis assez certain que c'était lui qui s'est fait démembrer par ces trois chevaliers. Et du coup, ces deux arcs vont se superposer. L'arc avec Escanor va être assez vite résolu. Mais pendant le reste de l'aventure, Gauvin va essayer de retrouver son nom. Il va essayer de retrouver ceux qui ont perpétré ce crime et le résoudre pour prouver que non, il n'est pas mort et qu'il est bien vivant. Et retrouver son nom. Donc pendant toute l'aventure, il est appelé le chevalier sans nom. Une des choses que j'aime beaucoup dans l'âtre périlleux, c'est qu'il y a un côté vraiment de un peu campagne de jeu de rôle où on va ramasser des chevaliers en cours de route, puis ils vont rejoindre la team, et puis après on va les laisser à un endroit, puis les retrouver plus tard. Il y a vraiment ce côté où on a l'impression que Gauvin monte une équipe pour certains trucs qui est assez rare dans les romans arthuriens, parce qu'il y a tellement cette idéologie du duel où vous allez vous battre contre le méchant seul. Ou alors à la limite vous allez être deux par deux pour aller à l'aventure. Deux par deux, comme dans la vengeance Raguidel où on affronte deux personnes à deux. Mais là, il y a quelques moments effectivement dans l'âtre périlleux où il y a vraiment des petites teams de chevaliers qui se montent autour de Gauvin, c'est vrai que c'est assez... Ou autour d'un autre, il y a Cadret, l'évincé, oui. Où justement il a un combat à faire contre 20 personnes et on dit mais c'est désespéré, puis il dit mais je vais le faire par amour de celle, en gros ça a bien aimé dans un mariage forcé, il veut aller la libérer, et puis Gauvin et d'autres vont lui dire bah on va venir t'aider, et puis il y a vraiment cette idée de faire une équipe pour aller, aller tabasser les méchants qu'on retrouve pas toujours et qui est assez intéressante. Mais donc je pense qu'on commence par vous parler de Gliglois, qui est un peu plus court, puis à commencer par parler des éditions et des manuscrits de cette œuvre, qui a quand même, comme tu l'as dit, une histoire un petit peu accidentée. Oui, en 1904, la bibliothèque de Turin, où était conservé l'unique manuscrit connu de Gliglois, a brûlé, et le manuscrit de Gliglois était dans la salle de lecture, donc il a pris le feu de façon tout à fait spectaculaire. C'était donc la Bibliothèque nationale de Turin, là où sont, je crois que c'est la bibliothèque, maintenant c'est les archives de l'État, enfin c'est une bibliothèque qui est assez importante et qui contenait évidemment beaucoup de manuscrits francophones, parce que bah, Turin a fini par avoir en fait beaucoup d'archives savoyardes. Donc du coup les Seigneurs de Savoie étaient francophones pendant quand même assez longtemps et ils ont amassé pas mal de manuscrits, de textes, dont certains ne s'y retrouvaient que là-bas, dont le Gliglois justement, disparu en 1904 malheureusement, malgré plusieurs tentatives de restaurer le manuscrit, la partie qui contenait Gliglois a été complètement brûlée et complètement inutile aujourd'hui, on ne peut même pas la distinguer. Donc le processus éditorial était un peu compliqué. Il a connu une édition qu'on pourrait qualifier d'édition vraiment scientifique en 1932, donc aux presses de l'Université d'Harvard. C'est un Américain, Charles Livingston, qui l'a édité en se basant non pas du coup sur le manuscrit qu'il n'avait pas pu voir, enfin il a pu le voir mais une fois qu'il a été brûlé, donc c'est pas très utile, mais sur les travaux d'un académicien qui l'a précédé, d'un chercheur qui l'a précédé, Wendelin Förster. Et Förster, en fait, avait depuis longtemps prévu de faire une traduction et une édition et une traduction du Gliglois, et il n'avait pas pu le faire avant sa mort en 1915, et du coup, c'est Livingston qui l'a repris, en se basant sur les papiers, dont les transcriptions de Förster, notamment les transcriptions qu'il avait faites déjà lui-même à Turin, en partie les descriptions d'un certain professeur J. Müller, qui l'avait aussi aidé à le faire. C'est ces transcriptions-là qu'a lu notamment Gaston Paris, qui a pu avoir... qui avait fait un résumé du Gliglois dans son volume de l'histoire littéraire de la France. Et puis, il y avait déjà en plus eu une édition du Gliglois, mais je crois il n'y avait pas eu vraiment d'édition complète, quoi. Il y avait vraiment des papiers... on ne trouvait pas vraiment de choses exploitables autres que ces transcriptions faites par les chercheurs allemands à Turin. Donc techniquement, le seul manuscrit qui est encore existant, c'est ces copies qui ont été faites sur le manuscrit de Turin et qui sont conservées aujourd'hui à la Harvard University, à la Widener Library, cote 27271.57F. Alors ça a été ramené effectivement... par Harvard, qui a racheté la collection du coup des papiers de Förster. Donc du coup, Livingston se base sur ça, il a fait une édition complète, avec une petite analyse. Enfin, l'édition est trouvable, même si elle est, je pense, un peu difficile à acheter aujourd'hui, vous devrez la trouver en bibliothèque. Harvard University Press, donc tout ce qu'il y a de plus classique. C'est en anglais, par contre, donc si le matériel annexe vous intéresse, mais que vous n'êtes pas anglophone, vous allez devoir vous rabattre sur les deux traductions françaises, les deux traductions et édictions françaises auxquelles nous avons accès. Alors la première, c'est une traduction sans doute basée sur celle de Livingston, je pense, sur l'édition de Livingston, par Marius Chenery, si je ne me trompe pas. Oui, c'est dans la légende arthurienne, tout comme l'âtre périlleux d'ailleurs, qui a été traduit donc en 1989-1989. Marius Chenery l'a traduite. Traduit le texte pour ce recueil arthurien. On vous en parle souvent parce qu'il y a beaucoup de textes arthuriens qu'on trouve difficilement ailleurs qui sont édités dedans. Justement, et puis... La collection bouquins. Et puis en 2003, elle a fait une édition et traduction... Chez Champion. Une édition seulement, pas de traduction, c'est les classiques français du Moyen-Âge. C'est pas la traduction. C'est pas les versions bilingues, c'est vraiment seulement la... Donc elle a proposé une édition, donc je pense qu'en 89, oui, elle s'appuyait effectivement sur... Donc c'est il y a pas le texte en français moderne, donc vous allez devoir vous reposer sur l'édition bouquin pour ça. Il y a un petit appareil critique, notamment une petite analyse, quelques analyses de la rime, du contexte, de qui a pu être l'auteur de ce Gliglois, et bien sûr des commentaires critiques. Si vous voulez une édition en un volume avec la traduction, il y a une version qui a été publiée par Jacques-Charles Lemaire, qui est un Belge, qui est publié aux éditions de l'Université de Liège en 2005, donc juste après Chenry. En fait, visiblement, c'était quand son édition était sous presse que l'édition Chenry est sortie. Il a publié une édition où il se base à la fois sur les manuscrits. Je ne sais pas s'il se base sur la transcription directe, il a pu avoir accès au papier de Forster, ou s'il se base sur l'édition... Il utilise son puissant cerveau pour deviner quel est le vrai texte en lisant la traduction. Je pense que c'est à peu près ça, en fait, parce que vu le type d'édition, donc, on ne le dit pas, mais c'est un peu un perle la nuance, où justement il dit qu'il critique beaucoup le travail de Marilus Chenry, mais d'une manière qui est parfois un petit peu vaine, où il va critiquer des choix de langage, où basiquement ça ne change pas la traduction, mais en fait, si on voulait être plus précis, on dirait ça. Puis, bah oui, quand on fait une traduction, on doit faire des choix. Genre, certains des commentaires que tu m'as rapportés, c'était vraiment genre « Ah oui, grange, ça peut être une grange, mais ça peut aussi être une ferme ou un bâtiment... Une métairie. Ah oui, donc ça peut être un autre bâtiment... » Enfin, Sachant qu'on parle d'une grange dans le Gliglois parce qu'il y a des gens qui dorment dans le foin, je pense que ça fait assez sens. Qu'est-ce que ça... Enfin... Mais je pense aussi, il y a une question... c'est vraiment la volonté d'avoir une version textuelle extrêmement fidèle. Mais c'est clair que dans ce cas où non seulement il y avait un seul manuscrit, mais en plus il a cramé, voilà, on a envie de... Mais après, voilà, il y a beaucoup de trucs qui disent, les éditeurs corrigent certaines choses pour en faire des versions de acceptées correctes, mais en fait, ça se serait dit aussi dans l'orthographe du manuscrit, sachant que, on se base sur une transcription qui n'est pas forcément la plus fiable, celle de Müller, pour une grosse partie du texte, parce que Forster n'a pu vraiment transcrire et corriger lui-même qu'une petite partie du texte. Quand il a lui-même copié tout le texte, c'est vraiment une façon grossière, alors que son ami et collègue Müller a transcrit d'une façon diplomatique tout le manuscrit, mais en y faisant quand même quelques erreurs. Je ne pense pas qu'on puisse être absolument sûr de ce qui était dans le manuscrit. Donc, après, voilà, c'est l'avantage d'avoir une édition en un volume, tout ce qui est de plus simple. Le matériel, l'appareil critique est franchement très très mineur. Il y a beaucoup de notes, mais qui sont essentiellement sur des questions de traduction et d'édition. Donc, j'aurais plutôt tendance à recommander la version finalement de Marilus Chenry, en tout cas pour la lire, parce qu'elle est simplement plus simple d'accès. Je pense que vous trouverez plus facilement cette collection de bouquins que l'édition universitaire. Parce qu'il dit, c'est difficile de trouver une édition courante, mais il y a l'édition champion qui est tout à fait satisfaisante, à moins que vous soyez vraiment un fanatique du Gliglois et qui veut absolument lire le Gliglois avec l'orthographe originale. Je pense que vous satisferez de l'édition champion si vous voulez vraiment la lire en ancien français. J'espère qu'on va trouver un autre manuscrit du Gliglois une fois, puis que ça va montrer que le maire avait tort sur toute la ligne, en fait, juste pour. Oui, je sais pas, je me suis senti très antipathique en lisant son ton un peu comme tu l'as dit, perd la nuance, en le lisant comme ça. Petit point marrant sur Jacques-Charles Lemaire, qui avait aussi fait l'édition du roman du roi Hyder dont on a parlé dans notre dernière émission. Il écrit aussi beaucoup sur la franc-maçonnerie, parce que je crois qu'il est franc-maçon lui-même, donc il écrit beaucoup sur l'anti-maçonnisme, les complots, cette perception des complots maçonniques, etc. C'est toujours très bizarre quand tu vois un livre qui s'intitule Le complot judéo-maçonnique, puis après tu dois aller voir où il a été publié, si c'est les presses maçonniques de France, tu dis bon, ça va. Si c'est le Bnaibrief canadien, tu dis bon, ok, ça va. Si c'est les presses Arctos, Wotan, ou alors les éditions du CERF. Je m'en méfierais un petit peu. Type 100% les éditions du CERF. 100% ce qu'il pourrait faire cette année. Je m'en méfierais un petit peu. Mais du coup, oui, il a publié pas mal sur l'antimaçonnisme aussi. Ce qui est marrant, parce que dans le cercle arthurien, il y a aussi Lozarmer, qui est ce breton qui a beaucoup publié sur les liens avec la mythologie indo-européenne, etc. Et qui, lui, par contre, a fait beaucoup de bouquins très antimaçonniques, etc. Donc je me demande s'ils se sont déjà croisés à des colloques, ça doit être assez intéressant. Ouais, l'ambiance doit être assez chaude. Mais du coup, le Gliglois, voilà, vous pouvez le lire dans quand même pas mal de versions. Il a connu, mine de rien, un certain succès éditorial, puisque deux traductions publiées en moins de 20 ans, deux éditions publiées à deux années d'intervalle récemment, et puis une édition que je trouve est solide, franchement, cette édition des presses de l'Université d'Harvard, franchement très bien, très clair, très lisible même, je veux dire, les choix sont peut-être un peu, effectivement, opérés par Livingstone, sont peut-être un peu avancés, mais... Ça se lit relativement bien quand même. C'est assez courant pour une édition de 1932, j'ai envie de dire. Oui, mais j'entends même en ancien français, l'ancien français se lit clairement, je trouve. Ouais. Moi qui ne suis pas forcément un romaniste. C'est peut-être justement beaucoup de ces vieilles traductions avaient tendance à faire un texte peut-être un petit peu trop. C'était un peu la critique de même des grands. C'est un peu la critique qu'on fait maintenant même des grands éditeurs français du XXe siècle, quoi, qu'ils avaient tendance à peut-être polir un petit peu trop le texte. D'un côté, à une époque où on faisait beaucoup moins de traductions qu'aujourd'hui, où les gens s'attendaient à lire. Les gens allaient devoir le lire. C'était peut-être aussi une fleur tendue en direction des étudiants qui allaient devoir se taper le Gliglois. Et pas juste en fait c'est une forme de grammaire picarde que personne n'a jamais rencontrée, donc on va un petit peu la Ouais, il la pousse un peu, comment dire. Ici. Mais donc, Gliglois, On va commencer à vous faire notre petit résumé de l'histoire. Donc c'est assez court, hein, je crois 2920 octosyllabes. C'est à peu près la moitié du texte de l'âtre périlleux, justement, j'ai fait la comparaison. Donc Gligloir, il arrive, il est envoyé à la cour d'Arthur par son père, qui est un châtelain allemand, pour justement parfaire son éducation. Donc il vient au service de la cour, il est un peu un de ces chevaliers pas déclassés, mais disons, voilà, il est clairement pas un fils de roi, quoi. Il est mis au service de Gauvin, et puis ils tombent tous les deux amoureux de beauté, donc cette dame qui arrive aussi à la cour... Elle repousse les avances de Gauvin assez durement, c'est-à-dire que Gauvin se met à côté d'elle sur le lit, lui prend le bras et dit « Ah, madame, je vous aime, et puis si je ne pouvais vous aimer, je ne sais pas ce que je ferais, je serais désespéré. » Et il lui fait des avances, puis elle le rejette assez fortement. Et puis alors Gauvin rougit, est un peu humilié. Il essaie d'envoyer Gligloir à son service pour se faire bien voir, mais Gligloir tombe lui-même amoureux. Et puis, il y a une scène dans le verger que j'ai trouvée assez marrante, où il la regarde un peu, il a l'air de la regarder avec des yeux de merlan, parce qu'elle lui demande « Mais qui a-t-il ? Oh, vous me paraissez belle. Que t'importe ? Beaucoup. Pourquoi ? Penses-tu à moi ? Tu veux m'aimer d'amour ?» Gligloir commença à trembler et répondit en soupirant « Belle, grâce au nom du Très-Haut, votre amour me possède si fort que je ne puis jour et nuit lui résister. » Puis là, elle se met à lui crier dessus « Débauché, qu'avez-vous dit que vous m'aimez ? Ah, quel plaisir pourriez-vous me donner ? Dehors, quittez ce verger, malheur à moi si je ne le dis pas à votre maître. Je vous trouve bien effronté d'avoir tenu ces propos. Certes, vous me croyez bien folle, vous m'aimez. En quoi cela vous regarde-t-il ? Hélas, quelle honte, prenez garde à ce que je ne vois nulle part. » J'aime beaucoup le « En quoi cela vous regarde-t-il ? » Elle le domme, en fait. Mais c'est un peu ça, c'est un roman nettement un peu infantile sur « Oh non, cette femme qui me rejette, en fait, secrètement, elle est amoureuse de moi, elle ne fait ça que pour me mettre à l'épreuve et à la fin, oui, je serai victorieux. » C'est un peu malsain et voilà, tout ce qu'on trouve dans ces logiques de l'amour courtois et honnêtement, dans des idées amoureuses jusqu'à nos jours, mais... Oui, toutes les scènes, enfin, à partir de son arrivée à la cour, elle arrive à la cour à la Pentecôte. D'ailleurs, il y a une très belle description, je trouve, on a dit beaucoup que le roman de Gligloir n'était pas forcément très, très élégant ou très, très bien tourné, mais il y a quand même des scènes qui sont assez évocatrices, notamment la description de la fête qui bat en plein à... Car, je crois que le texte parle de... c'était pas Carduel, c'était... Il y a Carduel au début, mais quand ils sont à la Pentecôte, c'est à Caraès, donc le maire traduit Carreg, donc en Bretagne, Bretagne continentale. Et il y a une très belle description de toute la fête, comment la ville est complètement en allégresse, il y a des messes qui sont dites dans toutes les églises, et on joue de l'orgue, on a vraiment beaucoup de un portrait très vivant de cette fête de la Pentecôte, et c'est là où elle arrive. Et toute la scène où Gauvin tombe amoureux d'elle et demande à la reine de l'aider à la séduire pour lui, c'est aussi, je trouve intéressant, Gauvin demande l'aide, disons, de Guenièvre, et Guenièvre lui conseille d'envoyer quelqu'un pour la servir, et puis elle fait toujours des petits clins d'œil, des petits coups de coude à Beauté, qui d'ailleurs a un nom encore moins original que Sœur d'Amour ou que même La Blonde Esmerée, je trouve, là, c'est vraiment... Non, elle s'appelle juste Beauté, quoi. Elle s'appelle juste Meuf. Voilà, exactement. Love Interest number one. Et du coup, il y a quand même très, très... C'est un portrait très, très rigolo de voir Gligloir qui est envoyé, du coup, servir Beauté, qui tombe amoureux d'elle instantanément et qui, du coup, en oublie de la servir. Par moments, il oublie de trancher, puis elle est là « Oui, qu'est-ce que vous faites ?» Puis il se rappelle, puis il se morfond parce que, du coup, dès qu'il oublie et qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur, il va au lit, puis il pleure avec son oreiller sur la tête, en geignant avec les autres, dans son dortoir avec les autres écuyers. Il y a vraiment des scènes magnifiques comme ça, je trouve, d'un réalisme, émotionnel assez fort, finalement, parce qu'il y a quand même des scènes... Il réagit vraiment littéralement comme un adolescent de 15 ans ou 16 ans à qui on a fait une remarque un peu mesquine, ou la fille... Moi, je sais pas si on dit quel âge il a, Gligloir. Il a 14 ans au début, quand il est envoyé à la cour. Il est très très jeune, il est à 14, 15, 16 ans, quoi, à l'âge normal pour un écuyer. Mais il est vraiment tout rouge, quoi. Puis Gauvin lui-même est relativement mis en échec par cette jeune fille. Puis il est tourmenté... Mais c'est vraiment Gligloir qui est le cœur émotionnel du récit, et chaque fois qu'il fait une petite erreur, il en est tout à fait affligé. Et puis la reine, d'une certaine façon, elle renforce d'un peu Gligloir. Elle dit « Ah, vous avez un bon serviteur », elle dit parce que Gligloir fait l'écuyer tranchant pour Beauté. Puis mais elle rappelle quand même celui qui doit tirer le bénéfice, c'est bien le chevalier qui vous l'a envoyé. Je dis bon, d'accord. Il faut être un bon wingman et pas. Mais la Beauté, elle est complètement à la fois, elle réagit pas du tout à Gauvin, mais elle réagit pas non plus à Gligloir. Puis tout le monde est un peu surpris parce que on nous dit que dans toute la pièce, toutes les jeunes filles regardent Gligloir amoureusement, mais Beauté, évidemment, elle est tsundere, donc du coup elle ne le regarde pas, lui prête pas attention. Et vraiment, quand il va dans son lit, il peut pas dormir, il jeûne, il pleure, il rumine ses pensées. il est vraiment très très ouais, c'est ça, il est vraiment très très honteux de pas avoir réussi à simplement la servir de façon complètement stealthy, enfin il est pas d'airain, quoi, il est clairement c'est pas un Chad, quoi. Il y a un côté un peu le Chad go. Il voulait être maître de lui-même, en fait. Il voulait la traiter un peu aussi froidement qu'elle le faisait, et puis il n'y arrive pas. Ouais, franchement, il est vraiment très voilà, ce portrait de Gligoy, c'est vraiment un jeune homme un peu en chien, quoi, comment dire. Il est vraiment tout à fait très on edge. Et puis le twist, justement, cette scène dans le verger, je le trouve très intéressant parce qu'on nous dit qu'il est celui qui s'occupe le mieux des oiseaux, en fait, à la cour. Oui. Et c'est quand il est en train de nourrir des oiseaux qu'il rencontre, justement, dans ce verger beauté, parce qu'elle est couchée dans le jardin où vivent les oiseaux. Et elle est juste en train d'être sexy. Voilà, elle arrive de façon non directionnelle. Elle est pas couchée dans le jardin, pardon. Elle arrive dans le jardin alors qu'elle est en train de nourrir parce qu'elle arrive pas à dormir. Et donc elle s'habille d'un court manteau et on dit que sa peau nue est plus blanche que la chemise qu'elle a enfilée, donc elle est vraiment super belle. Et elle est allée vraiment dans le jardin au petit matin où Gligoy est en train de nourrir les chevaux. Et elle essaie de d'attacher sa chemise avec un lacet en lin, puis elle arrive pas. Et du coup Gligoy lui dit « Oh, est-ce que je pourrais vous aider ?» Puis elle dit « Ben oui, viens ici. » Et puis du coup, elle lui monte ses lacets, elle lui pose ses bras sur sa tête, elle s'appuie sur lui alors que lui est à genoux en train d'essayer de nouer la chemise. Et puis il voit sa peau et il tombe interdit. C'est pour ça que vraiment, il est dans cette scène si arrêtante, quoi. Il est vraiment... il peut plus, quoi. Puis là, c'est là qu'elle a vraiment cette... cet éclat contre lui. Il dit même lui je voudrais instantanément recevoir l'attention, d'ailleurs je me ferais moine si seulement je pouvais toucher cette chair. Donc il oublie tout, quoi. c'est peut-être pas la manière la moins inquiétante de formuler ça, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais vraiment quand elle le chasse, parce qu'il se lamente vraiment, il rentre chez lui, puis il est complètement tout honteux, quoi. De nouveau, il passe toute la matinée au lit en train de se morfondre. Je pense que si j'avais pas connu déjà le résumé de l'histoire avant de la lire, je me serais attendu à ce que ce soit une histoire où la dame est une espèce de dame fée enchantée, et puis où en fait elle serait love interest de personne. Genre, je me serais attendu à ce qu'il y ait une espèce de twist au milieu, puis qu'on apprenne qu'en fait il faut aller sauver le chevalier qu'elle aime vraiment, qui est... Tu vois ce que je veux dire, genre que c'était en fait un fake out et qu'elle allait finir avec personne parce qu'elle avait déjà un chevalier qui serait l'objet de la quête. Et bien en fait non, pas du tout, c'est juste Gligoy. Mais justement sur ces entrefaites, alors que après la même journée, alors que Gligoy revient au château pour servir, je pense au souper, il y a un messager qui arrive au nom de la dame du château orgueilleux. Et elle dit que la dame du château orgueilleux veut organiser un tournoi très original. Très original. Et il faudrait que chaque chevalier vienne avec une amie, en fait, à ce tournoi. Et du coup, la dame du château orgueilleux, elle a déjà fait en sorte que tous ses chevaliers, elle, auraient des dames et des amis. Et du coup, le roi et la reine décident, on ira aussi à la cour de la dame du château orgueilleux avec nos chevaliers et leurs amis. Et du coup, ça crée un petit problème parce que justement Gauvin, lui, apparemment se prépare à partir. Il assigne tous ses écuyers, il dit toi tu t'occuperas de mon bouclier, toi tu t'occuperas du cheval, toi tu t'occuperas des lances, et puis toi Gligoy, comme t'es super fort pour t'occuper des oiseaux, j'ai envie que tu restes ici à t'occuper de mes oiseaux. Et donc il y a peut-être déjà une part de rivalité amoureuse, c'est pas forcément sous-entendu, mais peut-être que justement Gauvin se dit, parce que Gauvin est content de l'annonce du tournoi parce qu'il dit je vais pouvoir briller devant beauté, elle va pouvoir voir mes prouesses, et puis je pourrais me prouver à ses yeux, quoi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est pas, il demande pas à beauté de l'accompagner. Non. Il est envoyé un peu comme le garant de la reine. Donc je sais pas, est-ce que c'est pour ça qu'il prend pas de dame avec lui? C'est censé être elle qui est censée être sa dame pour le tournoi. Ou bien c'est déjà fait rejeter par beauté. Du coup, il veut l'impressionner avant. Ça. Mais il fait peindre le portrait de beauté sur l'arrière de son bouclier. Sur son bouclier, il peint beauté avec qui tient une rose. Sur la face interne de l'écu pour qu'il puisse la regarder quand il se bat. Pour se motiver. Ouais, c'est ça. Il regarde beauté, il l'aime du fond du cœur, mais n'ose lui dire un mot. Et puis il veut gagner le tournoi effectivement pour briller auprès d'elle. Et du coup, Gligoy, lui, par contre... Il se maudit d'être bon en oiseau, parce qu'il se dit, je savais que j'aurais pas dû avoir des si bonnes notes en m'occupant des oiseaux, parce que maintenant, me voilà condamné à rester ici. Mais, choc total, il voit que Beauté elle-même n'est pas non plus partie au tournoi, justement, parce qu'elle n'avait pas d'amis avec qui aller, en fait. Oui, parce qu'en fait, avant le tournoi, Gligoy est retourné chez lui, pour aller passer du temps chez son papa, pour avoir un peu d'argent, parce qu'il a plus d'argent chez lui à la cour d'Arthur, visiblement il dépense trop d'argent. Et quand il revient, effectivement, il est vraiment un peu désespéré d'être tout seul, parce que effectivement, Gauvin l'a assigné à résidence, en fait, en quelque sorte. Et il ne pourra pas, exactement comme, comme tu dis, il va lui dire... faut qu'il revienne. Ah, vous êtes revenu, c'est très bien, vous allez pouvoir m'occuper de vous, vous occuper de mes oiseaux. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment assez triste, parce que lui, il voit Beauté qui reste aussi, il se dit, ah, peut-être que... Mais il est vraiment... Il est vers Beauté, puis il a, ah, maybe, unless... Ouais, alors... et puis Beauté reste... Il comprend que Beauté n'y est pas allée, parce qu'elle n'a pas forcément envie que Gauvin... parce que elle voulait pas être trop près de Gauvin qu'elle avait repoussé, mais apparemment elle est toujours assez froide envers lui. Et comme Gliglois est très serviable, il dit bah écoutez, je vais, elle dit j'ai pas été au tournoi parce que j'avais aucun chevalier avec elle, et puis il dit bah on va vous trouver un chevalier. Donc Gliglois va immédiatement énorme cible, immédiatement trouver un chevalier pour qu'elle aille au tournoi avec. Oui, la vibe très my wife's boyfriend. Non, c'est ça, il court dehors, il trouve un chevalier, il fait pourriez-vous accompagner la femme que je convoite au tournoi, et puis il l'envoie, et immédiatement après il se dit mince, maintenant elle va au tournoi sans moi. Puis il a cette réalisation et il se met à courir derrière eux, en fait. Ouais. Et il y a le chevalier qui dit il y a un type qui court derrière nous. C'est très. Il y a une vibe très de deux minutes du peuple à ce moment-là. C'est juste. Il y a un petit. Hey Caroline, Caroline, c'est Roger Caroline. C'est Roger Caroline. Il court derrière eux et puis il dit madame, il y a un chevalier qui court derrière. Il y a un écurie qui court derrière nous. Je ne peux pas le laisser courir derrière nous des kilomètres. Ça fait une heure qu'il nous court après. Et puis elle dit non, négligez-le parce que sinon c'est moi qui vais aller à pied, en fait. Elle veut absolument pas qu'il vienne. Il continue à courir derrière et puis il enlève même ses chaussures, je sais pas trop pourquoi, mais il enlève ses chaussures et il continue à pieds nus, il a les pieds ensanglotés sur la terre, ouais, chauffés par le soleil. Le cheval n'arrête pas de dire, mais vous êtes sûr qu'on ne doit pas les deux? En plus, à un moment, ils doivent rester pour la nuit dans un coin, et c'est Gliglois qui les a suivis, qui aide Beauté à descendre de cheval et qui la remet à cheval après, mais non, il ne lui donne toujours pas de cheval. Dans le roman, tout ça, c'est une mise à l'épreuve pour tester son espèce de détermination, mais assez sadique et tout. Je disais, moi, ça me faisait vraiment penser à un lait, en fait. Ça aurait vraiment pu être de façon beaucoup plus condensée un lait, genre juste où, si on avait gardé que les épisodes de rester à la cour, et puis court derrière Beauté, puis elle le néglige, et puis il a les pieds en sang, ce serait très poétique, et ce serait parfait pour un petit lait qui expliquerait de manière assez allusive l'histoire de Gliglois et Beauté. Oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Ce format, il prêterait assez bien, le format un peu court comme ça. Il y a des éléments qui sont très romans, genre le fait qu'il est fils d'un duc d'Allemagne, etc., ça marcherait pas forcément. Il y a des choses qui passeraient, qui sont beaucoup plus romans arthuriens, mais si on condensait à ce genre d'épisode-là, ça pourrait être dans le même registre. Mais du coup, ce qui est un épisode intéressant après, c'est que même quand il est en train de courir après, d'ailleurs, c'est ces moments un peu drôles comme ça, même quand il est en train de courir après, il y a tout un échange entre la dame et le chevalier qui l'accompagne, parce que le chevalier, il a un faucon sur le poing. Mm-hmm. Puis donc, du coup, il donne à la dame le faucon en gage, puis il dit ah bah vous le remettrez ce faucon au meilleur chevalier, mais je suis sûr que dans 8 jours à la fin du tournoi ce sera à moi que vous le rendrez. Puis il dit ah on verra bien, puis elle fait une petite blague, elle dit ah mais je pourrais bien cher seigneur qu'il soit à vous, mais pour l'instant il est encore à moi. Quand vous le gagnerez au combat des armes, alors seulement vous en glorifierez. Un bon exploit vaut mieux qu'une mauvaise parole. Et là, même Gliglois a ri du propos qu'il a. Donc j'imagine Gliglois en train de courir. Très bonne blague, madame. C'est d'un triste. Et du coup, quand ils arrivent finalement à une chapelle sur le chemin et qu'ils décident d'aller descendre de cheval pour aller entendre la messe sur le chemin, c'est du coup Gliglois qui est complètement sangloté, qui les aide à descendre et à les remettre, vraiment le pur sim, comme tu l'as dit, tout à fait le type un peu complètement aveuglé par l'amour. Et en fait, elle en profite, Beauté, à ce moment-là, pour demander au moine de lui écrire une lettre pour elle, en fait. Mm-hmm. Le moine, qui évidemment sait écrire, il a des travaux d'écriture, c'est un écrivain public, en fait, et elle le paye, je crois, 5 sous pour qu'il lui écrive une lettre en latin, et en fait, elle l'emporte avec elle. Et après, quand ils sont repartis en route, là, le chevalier, il dit vraiment, nous commettons pour sûr une action excessivement déloyale, demoiselle. La faute vous incombe de faire aller ce jeune homme à pied. Il est exclu pour lui de rentrer. On est parvenu trop loin. Vous voyez comme ses pieds sont en train de saigner. Et de nouveau, encore une fois, elle dit non, il ne montera pas à cheval. Il est venu ici sur un coup de tête. Moi, je l'aime pas d'amour. Vous refusez de me croire, je sais bien, mais je vais rester avec lui. Puis lui, il dit non, mais vous êtes vraiment cruelle, madame. Puis finalement, elle décide de lui. Elle s'écarte du chemin, elle appelle Gliglois, puis elle lui demande Gliglois, cher ami, où allez-vous? Belle, au tournoi. Pourquoi faire? Pour vous, je le jure, pour moi, vraiment, que Dieu m'en garde. peu m'importe le monde entier à part vous, tel est mon destin, je ne sais si cela vous vaudra du bien. Et là, elle lui dit, mais c'est une folie de m'aimer, j'ai repoussé beaucoup d'hommes de plus haute lignée que vous, j'ai jamais pu infléchir ma volonté pour les aimer, vous pensez que je vous accorderai mon amour, mais ce serait une folie. Retournez sur vos pas, songez à soigner les oiseaux, parce que sinon, Gauvin vous en voudra si les oiseaux meurent parce que vous ne les avez pas nourris. Et du coup, elle lui dit, rentre chez toi. Et là, même Gliglois sort son couteau, lui tend le couteau et puis dit, je vais me tuer si vous me laissez pas vous suivre. Et elle lui demande, mais vous voulez mourir à cause de moi? Puis il lui dit, non, et je le jure sur mon honneur. Et ben, elle lui dit la réplique la plus péchante du monde, puisque vous voulez mourir à cause de moi, on verra bien ce que vous allez faire. Quand vous mourrez, personne ne s'en affligera. Et du coup, elle décide de lui donner une tâche. Elle va lui donner la lettre qu'elle a fait écrire, qui est un message pour sa sœur, parce qu'elle a une sœur qui vit pas loin, et un petit anneau en or qui authentifiera le message, et lui dit, portez ça à ma sœur qui habite au château de Landemort, et si vous le voulez, vous pourrez... la route est longue, mais reposez-vous-y, je sais pas quoi vous dire de plus, mais amenez ce message à ma sœur. Et en fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que le message, dans le message, il y a un de ces messages du type « tu es le messager qui apportera ce message », en fait, parce qu'elle dit « mais... » Ma sœur va vous faire pendre. Ma sœur va vous faire pendre, vous fera brûler, ou un truc comme ça. Elle sous-entend ça, elle ne le dit pas ouvertement, mais... Puis là, genre, parce que lui, il est là, « merci de m'avoir donné une tâche pour vous aimer, madame !» Et puis lui, il est là, mais observez, ne rien refuser à ce qu'elle voudra faire, même si vous devriez être pendu ou brûlé. Puis vraiment, c'est... Pendu ou brûlé, super, j'adore ça. Littéralement, damoiselle, avec très grand plaisir, puisque vous l'avez ordonné, elle ne désirera jamais un tourment aussi grand que celui que j'accepte de supporter. Comme de nombreux martyrs valeureux ont été décapités au nom de Dieu, moi je veux bien mourir à cause de vous. Bref, il finit par partir tout sourire, et du coup le chevalier dit, disons que c'est vraiment un miracle, vous avez réussi à faire partir. Et puis du coup ils s'en vont vers le tournoi du château orgueilleux. Donc Gliglois, on vous passe un petit peu, il arrive chez la sœur de la dame, et puis bien sûr elle ouvre la lettre, et puis la lettre dit, vous savez quoi, le chevalier qui vous apporte cette lettre, en fait je l'aime secrètement, je l'aime d'amour, etc., ses vertus et sa beauté, etc. Gliglois s'effondre chez la dame, et puis effectivement elle contacte pendant qu'il dort et qu'il est tout couvert de sueur, qu'il est effectivement très beau, et elle comprend que sa sœur qui s'appelle Beauté, qui est très belle, il a la bosse de la noblesse sur soit, non, elle le reconnaît comme quelqu'un de très noble et beau, et elle s'étonne pas que sa sœur soit tombée amoureuse. Donc Gliglois est refourbi, on lui donne à manger, il peut se reposer, on lui donne des très beaux, on le baigne, on lui donne des très beaux vêtements, donc le truc classique quand vous passez par un château. Mais là du coup il est vraiment il a un petit glow up, quoi, il est un peu confus, mais on lui a dit d'accepter, sa dame lui a dit d'accepter tout ce que sa sœur voudrait faire, donc il accepte sans problème. Et finalement elle l'envoie au tournoi avec 60 chevaliers qu'elle a fait armer spécifiquement pour, et elle l'adoube en fait, mm-hmm. parce qu'il est que écuyer, mais maintenant ouais. il est fait chevalier, elle lui explique, vous êtes un très bel homme pour votre âge, vous êtes grand, robuste, votre beauté ne vaudra même pas la grave de mon nez, cependant si vous manquez à la prouesse, vous êtes vaillant, allez au tournoi vous battre, vous serez comblé de richesse, et sachez bien que ma sœur Beauté, qui vous aime beaucoup, est votre amie. Puis lui, il a dit, mais ce n'est pas vrai, madame. Puis après, elle lui explique le coup de la lettre, en fait. Donc je trouve ça très rigolo, finalement, que le twist soit même révélé avant même qu'il revoie Beauté, quoi. C'est vraiment... Ouais. Mais enfin, voilà, c'est ce côté un peu comique du contraste entre ce que, l'idée que peint... Beauté des tourments auxquels il sera soumis sous l'égide de sa sœur, et puis l'espèce de mise à l'épreuve. Mais c'est vrai que ce que je disais, que ça pourrait être un épisode des 2 minutes du peuple, Roger et Caroline. Ouais, ça se finit quand même mieux que le truc de Roger et Caroline. C'est vrai que ça se finit mieux, mais ce serait exactement la même énergie pour la moitié. Oui, ça fait le côté Sim qui est à peu près désespéré de cela. Mais du coup, je me demande qui va gagner ce tournoi. Il y a une espèce de suspense insoutenable, incroyable. Alors effectivement, le tournoi va avoir lieu. Alors bon, il y a tout un petit épisode où lui et ses chevaliers doivent dormir dans une grange ou une ferme, un bâtiment agricole. Ou une ferme, contrairement à ce que le consensus universitaire fautif voudrait nous dire, ce n'est pas une grange, c'est un autre. Ça pourrait être un autre type de bâtiment agricole. Ça pourrait être effectivement une métairie. T'imagines, c'est un palais, mais il y a juste tout le monde qui dort sur du foin et tout. Pourquoi pas, hein, ça se trouve aussi. Un manoir. Non, du coup, parce qu'en fait, ils doivent dormir dehors parce que la ville est complètement pleine. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont là pour le tournoi qu'ils ne peuvent pas rester ailleurs. Et en fait, finalement, ils sont... Du coup, ils vont à Vavasseur B&B. Vavasseur B&B, exactement. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on nous dépeint la scène quand ils arrivent dans cette espèce de grange où il y a juste du foin. Ils sortent en fait de leur malle des coussins luxueux, brodés au fil d'or, des couvertures de taffeta, ils vont acheter des tas de victuailles, puis ils transforment la grange en palais, plus ou moins, ouais. Justement. Et du coup, tout le monde entend parler de « Ah, il y a ce chevalier mystérieux qui est arrivé avec des nobles chevaliers et qui font la foire dans cette grange. » Et tout le monde se réjouit de voir qui va être ce chevalier, en fait. Et puis, du coup, évidemment, Gligloy n'est pas reconnu parce qu'il n'a pas d'armes connues, quoi. Il est mystérieux. Et du coup, Gauvin et le roi Arthur sont là, mais ce chevalier a l'air très noble. Il ressemble un peu à Gligloy quand même. Puis, non, mais non, il est beaucoup trop riche, ça peut pas être lui. Et puis, Beauté, qui bien sûr sait que c'est Gligloy, elle est complètement en train de pouffer de rire derrière. Parce que, devant la confusion de Gauvin et d'Arthur. Mais donc, le texte lui-même dit, c'est un de ces trucs où il dit, en un mot commençant, comment vous dire, il a gagné le tournoi, et puis tout le monde admire ses prouesses. Oui, il y a quand même tout un, truc où il se bat contre le roi de Galles, et il tue le fils du roi de Galles. Pendant oui, le tournoi. Il tue le fils du roi de Galles. Bon, c'est pas vu comme bien, hein, c'est un accident oui, de c'est tournoi, un accident tournoi horrible, mais ça montre à quel point il est fort. On dit littéralement, Gligloy le fit le roi Ferry en l'œillère le consuit de son helme. Donc en fait, il l'a touché au niveau de l'œillère de son casque. Ouais. Et on nous dit, entre parenthèses, selon le maire, je pense que c'est vraiment, c'était pas des parenthèses dans le texte, mais c'est grand péché, c'est très regrettable, c'est un péché en fait. Normalement, t'es pas censé viser comme ça la tête. Dans la traduction de Chenry, c'est « Le fils du roi atteignit bien la boucle de l'écume, et Gligloy le toucha à l'œillère et transperça son aume. Par un grand malheur, il lui plongea ainsi le fer d'une grosse lance dans le cerveau. » Ouais, il traduit pas le « c'est grand méchier » parce que « chauffou grand deux, c'est grand mescance », nous dit le texte. Grand malheur. Ouais. Grand malheur, effectivement. Du coup, mais pourtant, même si il a tué le fils du roi de Galles, le Gligloy est épargné, il n'y a rien qui se passe, aucune conséquence à ce niveau-là, donc... voilà, ce sont des choses qui arrivent. Laïs, voyons, les accidents de tournoi. C'est ça, mais en fait, ils disent que quand il est fait prisonnier, en tout cas dans la version de Chenry, le roi de Galles ne sait pas encore que son fils est mort. Donc il est fait prisonnier et envoyé vers le roi Arthur, comme serait fait dans un tournoi, mais il n'y a pas encore... apparemment, le fait qu'il a tué quelqu'un accidentellement n'est pas encore connu. Mais même après, c'est pas spécialement... Mais après, ça lui retombe pas dessus, non c'est... Ouais, je me suis demandé si ça allait être un truc du genre, un truc tout à fait pervers, du genre, ah, il a tué le fils du roi de Galles, et le roi de Galles n'a pas d'héritier, donc du coup, bah, c'est Gligloy qui devient l'héritier du roi de Galles, ou un truc comme ça. Mais non, rien du tout. Vu que de toute façon, Gligloy a atteint un grand héritage du côté de son père, et même du côté de sa mère aussi, et que du coup, et vu que la dame de Landmort, donc Beauté, possède une grande terre, bah, ils formeront un beau couple, et du coup, ils s'inclinent devant la reine et le roi. Et Gauvin accepte volontiers l'état de fait parce qu'il est très impressionné par Gligloy. Volontiers, ça donne que justement, quand Beauté dit qu'elle va épouser Gligloy, à ces mots, Gauvin baissa la tête, tout malheureux, il poussait des soupirs, croyant aimer Beauté. Mais d'un autre côté, il se réjouissait pour toute l'affection qu'il portait à Gligloy, et parce qu'il n'avait jamais commis de bassesse, il réussit à prier le roi d'accroître leur héritage et de conclure leur mariage. Oui, c'est ça un peu... Donc il savait se montrer gracieux, mais Beauté est tellement belle que forcément, oui, ça lui fait un peu mal de renoncer. Mais effectivement, comme tu dis, il a ce côté chevalier noble qui fait que même quand il est malheureux en amour, il sera heureux pour les... Il aime quand même d'affection. Tout le monde est heureux, il y a juste Gauvin qui pleure pendant tout le mariage. Mais donc ça conclut, là, le roman arthurien classique qui se conclut avec le mariage du héros avec sa bien-aimée, quoi. Oui, il y a une petite diatribe assez intéressante sur l'amour à la fin, où on explicite vraiment le message du roman, qui est en fait, grosso modo, bah oui, pour se soumettre à l'amour courtois, il faut accepter tous les malheurs vont vous arriver sur le chemin, il faut être mis à l'épreuve, mais celui qui souffre pour l'amour, bah, peut conquérir le bonheur, et quelque chose... un amour aussi profond ne peut venir vraiment que d'un sentiment aussi profond, à la hauteur, quoi. Il faut avoir souffert à la hauteur de l'amour qu'on espère. Ceux qui disent que le bon sens en amour, c'est d'éviter les souffrances, bah, ils ont tort. L'amour ne vient pas d'une plaisanterie, ça serait trop passager. Ceux-là n'aiment pas d'un cœur pur, car celui qui aime avec sincérité, il se sépare à contre-cœur. L'amour n'enflamme pas, au contraire, il brûle à petit feu. Il y a vraiment ce côté, l'amour, c'est vraiment quelque chose sur le temps long. Il faut accepter les épreuves. C'est pas simplement une passion visible. Et je pense que le lien avec Gauvin est à faire là, quoi. Gauvin, lui, est tombé amoureux de la dame, mais il a rien fait spécifiquement, quoi. Il n'a pas souffert pour elle. C'est Gligloy qui a accepté la mise à l'épreuve de l'amour. Et du coup, le mérite. Amour, c'est bien tourmenter l'homme, mais amour, c'est aussi le récompenser. Il est bénéfique le mal dont on peut obtenir du bien en retour quand il le faut. Donc il y a vraiment ce côté aussi, vraiment, cette morale assez chrétienne finalement. Il faut souffrir sur terre pour atteindre le paradis ultérieurement. Quoi. Avec cette espèce de côté un peu hérétique de l'amour courtois qui est que justement il y a eu des martyrs pour le Christ, ben, moi je vais être martyr par amour. C'est cette idée qu'on trouve dans cette littérature où les gens sont prêts à se suicider ou des choses qui sont pas très orthodoxes parce que par amour. Marie-Lucienne Ried dit dans sa préface. L'humour soutenu, le ton parfois burlesque ne nous paraisse pas relever d'intentions parodiques, l'esprit critique qui renouvelle les types littéraires comme pour un joyeux divertissement confirme, en les épurant au besoin, les préjugés et les modes de la société courtoise qui gagnait alors la petite noblesse ou la riche bourgeoisie. Donc d'habitude, quand on a ces romans, on dit « Ah, il y a un côté burlesque, un côté parodique », et on en a déjà parlé plusieurs fois. Là, elle dit « Non, probablement qu'il faut prendre ça. Oui, il y a de l'humour, parce qu'il y a toujours de l'humour dans ces textes, mais c'est pas pourtant que c'est une parodie. Les valeurs qui sont mises en scène sont mises en scène de façon sincère. Contrairement à l'Astre Périlleux, on va parler la préface, toujours dans la Légende arthurienne, elle dit qu'il y a un côté un peu semi-parodique, ce qui me semble un peu pas toujours vrai. Après, il y a quelques parallèles intéressants que tu peux faire avec d'autres récits. Par exemple, ça pourrait être une inverse. Tu pourrais voir ça comme une inversion d'Eric et Enid. Ouais. Notamment le fait que lui doit vouloir courir après pied sanglant. C'est pas exactement la même chose qu'avec Enid qui doit elle, aller à cheval mais sans parler. Mmh. Mais il y a quand même une idée assez similaire de suivre le bien-aimé ou la bien-aimée. Puis il y a quelques thèmes, effectivement, notamment, je crois que c'est. Amadas et Idouane aussi, il y a pas mal de romans, pas forcément arthuriens d'ailleurs, mais où il y a... Amadas et Idouane qui sont ces romans de chevalerie qui ne sont pas arthuriens, mais qui sont aussi très influents. Où il y a un chevalier justement qui doit servir d'écuyer tranchant, un jeune homme qui sert d'écuyer tranchant, une dame dont il tombe amoureux. Il y a eu des épisodes assez similaires. C'est pas le plus... Par contre, Giglois dans l'ensemble a assez peu de liens avec la matière de Bretagne. On voit Gauvin, on voit quelques chevaliers, on voit Arthur, on voit Guenièvre, mais enfin, Giglois et Beauté n'apparaissent pas dans d'autres romans. C'est même assez... la plupart des autres chevaliers, même mineurs, tu vois, le roi Hider, Hider ou Fils de Nut, enfin, Meriadoc, on le voit de temps en temps. Il y a des chevaliers qui apparaissent comme ça dans plusieurs... Mérogis, il apparaît dans 2-3 trucs aussi. Mais là, Giglois, il apparaît vraiment que dans ce roman. Il n'est pas du tout mentionné ailleurs. C'est vraiment un peu un cas vraiment très particulier. Et ouais, c'est assez intéressant de voir qu'il n'a pas du tout connu de postérité, alors qu'il est finalement assez intéressant, quoi. Même s'il a quelques liens peut-être avec d'autres. Un petit succès éditorial, mais c'est vrai qu'il n'est pas. Il n'a pas tant marqué les esprits que ça pour ce petit roman arthurien. Après, typiquement, si je voulais faire une. Ce serait rigolo de l'adapter genre en comédie romantique à la cour d'Arthur. Ouais. Il se prêterait bien à un truc du genre, je pense. Une espèce de récit comme ça, c'est un peu facile certes, mais ça, je suis sûr que tu pourrais faire une bonne comédie romantique arthurienne à succès culte pour les années 2020. Je pense qu'il y a un filon à creuser là-dedans. Ouais, on verra si le succès du renouveau cinématique arthurien va emporter ça. Va continuer, ça. Effectivement. Mais d'ici là, Giglois vaut la peine d'être lu, je pense, même bon, plus il est assez ça, court. Ça donc. Prend pas si longtemps. Donc et il est original, il y a ce côté un peu franchement différent des autres récits arthuriens du type, donc je vous encouragerais vivement à le lire en tout cas. D'ici là, peut-être qu'on va faire une petite pause musicale et se consacrer à notre autre morceau de la journée, l'âtre périlleux. Mais avant ça, Laïs, qu'est-ce que tu veux nous faire entendre ? On va écouter The Witch of the Westmoreland de Archie Fisher, qui a été reprise par plusieurs chanteurs, une espèce de balade sur un chevalier blessé qui apparemment entend d'animaux sur le champ de bataille qu'il ne pourra guérir ses blessures que s'il va voir la sorcière du Witchmoreland, qui semble être plutôt une fée parce qu'elle lui apparaît sous une forme à moitié animale. Ça va coller un peu avec cette ambiance arthurienne et de contact avec le monde féerique, donc je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Pale was the wounded knight that bore the rowan shield. Loud and cruel were the raven's cries that feasted on the field, saying that water cold and clear will never clean your wound. There's none but the maid of the winding knee can mak the healing soon. So course well my brindled hounds and fetch me the mountain hare, whose coat is as grey as the west water or as white as the lily fair, who said green moss and heather bands will never staunch in the flood. There's none but the witch of the west meadowlands can save thy dear life's blood. So turn your stallion's head till his red mane flies in the wind, and the rider, oh, the moon gaze by, and the bright star falls behind, and clear was in the pale moon when a shadow passed him by, and below the hill was the brightest star when he heard the hula cry, saying, why do ride this way, and wherefore come here? I seek no witch of the west meadowlands that dwells by the winding mere. then fly free again, Greyhawk, to gather the golden rod and face your hawks into the clouds above yon gate in wood and its weary vials of water and the misty break fern wear till through the cleft of the Kirkston Pass the winding water lay. He said, lie down, my brindled hounds, and rest, my good grey hawk, and thee, my steed, may graze thy fill, for I must dismount and walk. But come when ye hear my horn, and answer swift the call, for I fear ere the sun shall arise this morn, you may serve me best of all. And down to the water's brim is a borne the robin shield, and the golden rod he has cast in to see what the lake might yield. And what rose she from the lake, and a fast and fleet gait she, one half the form of a maiden fair, with a jet black mare's body. And loud along and shrill he blew, and his steed was by his side, high overhead his grey hawk flew, and swiftly he did ride, saying, a course so well, my brindled hounds, and fetch me the jet black mare, stoop and strike my good grey hawk, and bring me the maiden fair. She said, pray she thy silvery sword, lay down thy rowan shield, for I see but the briny blood that flows, you've been wounded in the field. And she stood in a gown of the velvet blue, bound round with a silver chain. She's kissed his pale lips ains, and twice and three times round again. And she's bound his own with a golden rod, full fast in her arms he lay. And he has risen hale, and soon with the sun high in the day, she said, ride with your brindle towns at here, and your good grey hawk in hand, there's nane can harm a knight was lain with a witch of the Westmoreland. Alors, c'était The Witch of the Westmoreland de Archie Fisher, et on est de retour pour vous parler cette fois de L'âtre périlleux, une aventure du bon chevalier. Voilà, vraiment, littéralement une aventure du bon chevalier, parce que ben, le bon chevalier, on va le voir, perd son nom, comme tu l'as déjà mentionné dans l'introduction. L'âtre périlleux, c'est, on l'a pas mentionné pour Gliglois d'ailleurs, hein, mais comme Gliglois, les deux sont des romans qui doivent dater, disons, à minima, disons, le plus ancien qu'on puisse les dater, c'est probablement la moitié du XIIIe siècle. Probablement la fin pour l'âtre périlleux, mais... Ouais, c'est vraiment clairement pas avant, et c'est improbable qu'il date de... Enfin, les premiers manuscrits datent de la fin du XIIIe siècle dans les deux cas, donc... Alors, justement, l'âtre périlleux est un peu à part, parce que contrairement à la plupart de ces textes arthuriens qu'on vous a dit, ces romances de Gauvin, n'ont qu'un seul manuscrit, éventuellement deux. C'est le cas par exemple pour Gliglois qui avait un seul manuscrit, Rigomer avait un seul manuscrit, Imbaud qu'on n'a pas encore vu n'avait qu'un seul manuscrit. L'âtre périlleux, lui, en a trois. Alors il y en a un qui est porté disparu. On lui connaît même plus de manuscrits que ça en fait. Il y en a même effectivement. Disons, on sait qu'il y avait une version, même en plus, en ancien français, enfin qui a été publiée au XVIIIe siècle dans une édition très minimale, disons, ouais, comme c'était le cas à l'époque, qui devait être issue d'un autre manuscrit encore. Donc il y a sans doute plus de manuscrits que ça, mais effectivement, trois manuscrits auxquels on a accès, deux manuscrits de la BNF, les manuscrits français 2118 et 1433, et le musée Condé à Chantilly contient le manuscrit 626. Qui contient entre autres l'âtre périlleux. Alors, c'est des manuscrits qui ne contiennent pas que l'âtre périlleux, hein, évidemment. Dans le Bibliothèque nationale 2168, que je crois le manuscrit de référence, entre guillemets, on trouve aussi l'image du monde de Gauthier de Metz, Aucassin et Nicolette, des morceaux de Aucassin et Nicolette, qui est un autre de ces romans de chevalerie qui n'est pas vraiment arthurien, mais qui est très influent, très connu. Parallèle, effectivement, des bouts de Marie de France. Le Bibliothèque nationale 1433 contient aussi Livin de Chrétien. Et puis, le manuscrit de Chantilly contient toute une série de manuscrits, de textes à Gauvin adjacents. puisqu'on a aussi Rigomère, Erek, Fergus, Imbo, le bel inconnu, la vengeance Raguidel, Yvain, Lancelot et l'histoire du Graal, puis un peu de roman de renard aussi pour finir, pour finir le, en douceur, le petit dessert. Pour faire digérer la suite. Voilà. Donc il y a ces trois manuscrits-là. Un manuscrit qui était conservé au Louvre, qui a disparu. On sait que le manuscrit était conservé à la bibliothèque du roi Charles V, puis qu'après il a bougé un peu partout, puis on n'a pas retrouvé la trace. Et comme je l'ai dit, la Bibliothèque universelle des romans, qui est une série de transcriptions et de traductions et d'éditions, mais vraiment très primitives. Voilà, du début, enfin celui-là date de 1777, ouais. Donc on est au plein 18e siècle. Et une version effectivement français moderne de l'Ade Périeux, vraiment très raccourcie, qui serait basée sur un manuscrit de Monsieur de Sainte-Palais. Donc on ne sait pas quel est ce manuscrit, mais il ressemble peut-être au manuscrit justement de la BNF. Donc déjà trois manuscrits connus, et en plus des signes que clairement il avait une diffusion beaucoup plus large, parce que beaucoup de ces romans-là, c'est vrai qu'on en parle, mais on ne sait pas exactement quelle diffusion ils avaient quand on n'en a qu'un manuscrit. On peut deviner parfois quand la tradition manuscrite est vraiment embrouillée, qu'il y a un souci. Et l'Ade Périeux, la tradition manuscrite pose plein de problèmes qui laissent penser qu'effectivement il a eu une plus longue histoire que ça. Voilà. Pour lire ce texte, la traduction la plus facile à trouver, la plus pratique, c'est dans cette collection La Légende Arthurienne, comme on vous l'a dit. J'ai aussi fait un document pour les romans isolés, où je tabule un peu les éditions disponibles, ce genre de choses. Et effectivement, si vous avez La Légende Arthurienne, vous avez déjà pas mal qui sont compilés dedans, ce texte, ce livre de la collection bouquins. Et si vous achetez 5 ou 6, 7 autres bouquins, il y en a qui sont disponibles en ligne en anglais, vous avez vite fait le tour de tous les romans isolés arthuriens, en fait, en tout cas en français. Oui, celui-ci il est disponible notamment en plus de La Légende Arthurienne, il y a une édition traduction anglaise dans Three Arthurian Romances, je crois. Oui, c'est un livre de 1996 de Ross J. Arthur. Il est avec Le Chevalier à l'épée et avec le roman de Caradoc. Je crois que c'est simplement ce qu'on appelle le livre de Caradoc qui est tiré de la première continuation de Perceval. Donc ces trois romans-là traduits en anglais. Puis il y a aussi une traduction chez Garland en 1994, donc ça peut aussi pouvoir se trouver assez... Sinon, dans un libraire, en tout cas chez un bouquiniste anglophone, allez regarder, c'est des sites de... Plusieurs bouquinistes mettent leur stock en ligne, donc ça peut être intéressant. En français, outre cette traduction de 1777, il y a seulement l'aventure de Gauvin, le bon chevalier, traduite par Marie-Louise Ollier dans La Légende Arthurienne, le Graal est à la table ronde, donc cette édition bouquin dont on parle tout le temps. Et puis, si vous voulez le lire en ancien français, là, vous n'avez pas beaucoup de choix, puisqu'il y a une édition récente, mais en test de doctorat, je ne suis pas sûr qu'elle soit très accessible, par une Marie-Lise G. Charu à l'Université de Connecticut, en 1998, donc voilà si vous arrivez à la trouver quelque part. Et puis, une édition, bien sûr, standard, par Brian Wallage dans la série des classiques français du Moyen-Âge, chez Champion, qui, en fait, c'était sa thèse de doctorat à lui. Il a publié aussi chez Drow, quelques années avant, donc 36, la publication de la période chez Champion. En 1930, je crois, il a publié ce Brian Wallage, qui est un Anglais, en fait. Il a dû faire son master à Leeds, je pense, parce qu'il remercie beaucoup de professeurs de Leeds. Il a publié chez Drow une étude sur les manuscrits, la langue et l'importance littéraire du poème, avec un spécimen de texte. Et en fait, ça devait être ce qu'il a rendu pour sa thèse de doctorat, mais il a édité tout, et il a publié chez Champion. Si vous voulez un appareil critique, l'édition Champion a plus d'apps de critique, plus de notes, mais l'introduction est plus complète dans la façon de sa thèse. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, puis donc c'est, ça peut être utile. C'est l'édition de Wallage qui est la base de la traduction de Marie-Louise Ollier. Ouais, pas d'autres éditions récentes, c'est intéressant. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une édition de traduction dans ces classiques champions, mais non, pour l'instant pas à ma connaissance. Peut-être à l'occasion, ou dans les lettres gothiques ou autres. Oui. Il y a quelques résumés, si vous cherchez des résumés de l'histoire en ligne, il y en a un qui est donné par le site Esméon. C'est un site qui répertorie plein de petits résumés de la Légende Arthurienne qui est assez pratique. Il y a la page Wikipédia anglaise qui en a un aussi. Mais aussi, côté un peu classique, il y a Gaston Paris qui a fait un volume de l'histoire littéraire de la France où il parle des romans médiévaux. Et il a un volume où il parle des romans arthuriens en vers qui concernent Gauvin. Et donc il a plein de petits résumés de discussions. J'aime beaucoup le ton de Gaston Paris parce qu'il n'hésite pas à dire, en fait aujourd'hui on ne se permettrait pas forcément d'être aussi, dédaigneux et méprisant, mais il n'hésite pas à dire un roman nul, répétition barbante d'épisodes stéréotypés sans intérêt, qui explique aussi pourquoi on n'a pas eu beaucoup de ces éditions-là. Il y avait une espèce de dédain pour beaucoup de ces textes, mais les résumés sont aussi assez intéressants. Donc, je vous ai déjà fait le résumé global de l'histoire. Gauvin, il y a deux éléments déclencheurs en rapide succession. D'abord, une dame qui est kidnappée à la cour d'Arthur et Gauvin lui court après, qui va couvrir le premier arc du roman. Mais alors qu'il part, il quitte la cour pour la chercher, il rencontre justement ce type qui raconte que Gauvin a été tué. Et donc, il perd son nom. Et donc, il va plus se présenter comme Gauvin. Il va parfois dire... Non, quand il va défendre que Gauvin est vivant, il va dire « J'ai vu Gauvin vivant il y a 4 jours à la cour du roi Arthur » ou des choses comme ça. Il va pas dire « Je suis Gauvin ». Comme s'il avait peur de ne pas pouvoir affronter la rumeur. Mais donc, ça commence parce qu'une dame vient se mettre au service de la cour du roi Arthur, il est assez content, et puis un chevalier qui débarque, il dit « Je kidnappe cette dame !» et puis il s'enfuit avec elle. Oui, c'est très drôle, il y a personne qui fait rien. Il y a personne qui fait rien, et surtout pas Gauvin. Gauvin, il est littéralement... J'avais déjà parlé de cet archétype des chevaliers qui veulent finir de bouffer avant d'aller à l'aventure. Il y avait Perceval dans la continuation de Manessier où il disait « Mange juste avant un petit », puis il y a la dame qui dit « Moi, je vais pas bouffer », puis là « Bon, d'accord, allons à l'aventure !» parce que l'appel à l'aide, il y avait Gauvin dans c'était justement dans La Vengeance Raguidel, je crois, où il disait je vais avant qu'on se combatte, il faut que je finisse de manger, puis il enfourne ses 3 morceaux de pain dans sa bouche. Là, on a justement Gauvin qui dit il veut pas faire de scandale, il veut pas se précipiter, et il se dit, et puis de toute façon mon cheval est tellement rapide que je vais pouvoir le rattraper. Et du coup c'est Queux qui va à la poursuite. C'est Queux qui est l'impulsif et qui dit qu'il va courir derrière lui. Bien sûr, il se fait battre, mais il fait tout un scandale où il dit à Gauvin, la honte, Gauvin, apparemment tu es chargé de défendre les gens de la cour, etc. Et puis tu ne le fais pas. Et Gauvin a mauvaise conscience et il se dit qu'il va partir après la dame. Gauvin en chemin tombe sur 3 demoiselles qui sont en train de se lamenter, donc il entend des voix de femmes qui crient et il se dirige vers elles. Elles sont dans un écuyer qui a eu les yeux percés et il apprend qu'il lamente la mort d'un certain Gauvin, justement, puis il se dit ah, mince. Et puis il dit j'ai vu Gauvin en bonne santé à la cour d'Arthur il y a juste un instant, je suis formel. Et puis c'est sans effet, car avant d'avoir eu les yeux crevés, l'écuyer dit qu'il a été écuyer de Gauvin pendant un an et il est formel, il l'a vu, plusieurs chevaliers, 3 chevaliers se liguer contre lui et le tuer, le démembrer. Avant de partir, alors que d'habitude Gauvin décline toujours son nom, donc comme dans la première continuation de Perceval, ici c'est comme si Gauvin, on lui enlevait son nom, il peut pas, parce que justement, il peut pas le contredire, parce que le type a les yeux crevés, il peut pas le reconnaître. Mm-hmm. S'il avait les yeux en bon état, il pourrait dire « Ah non, en fait, vous êtes Gauvin, je vous reconnais », mais là il s'est trompé, il a vu ses armes, il avait un bouclier qui ressemblait un peu à celui de Gauvin, et donc il est trompé. Gauvin dit donc qu'il va s'assurer de faire cesser la rumeur, mais il doit continuer à son aventure. Il va avoir une autre aventure en chemin. Il arrive auprès d'un bourg, mais les portes sont fermées au coucher du soleil. Donc le chevalier Escanor, avec sa dame, s'est réfugié là, mais on ferme les portes, parce qu'apparemment, bon, on ne peut pas entrer à la ville, mais aussi il y a des phénomènes un peu spéciaux qui se passent ici. Il faut préciser que pendant toute la quête d'Escanor, en fait, Gauvin va à chaque fois avoir l'aide de quelqu'un, mm-hmm. et en fait, il va demander à un jeune homme qui l'accompagne de rentrer avec, qui lui peut rentrer en fait dans la cité. En l'occurrence, c'est un jeune homme qui propose à qui va rencontrer dans un instant, ouais. Dans un instant. Mais à chaque fois, il va avoir un moyen de s'assurer que Escanor ne parvienne pas à ses fins avec la demoiselle. Ne puisse pas coucher avec la dame. En fait, c'est vraiment, il veut l'empêcher. Puis à chaque fois, c'est OK, on va vous redonner la dame demain matin pour que vous puissiez continuer à la kidnapper, mais cette nuit, vous pourrez pas l'avoir à loisir. Mais oui, effectivement, donc il va aller dormir dans un âtre, en fait. Il se réfugie dans une chapelle qui est entourée d'un cimetière, donc l'âtre périlleux. Âtre, en fait, du latin ater, qui veut dire noir, sombre. C'est ouais. Pas seulement le latre d'un four, en fait. C'est pas l'âtre d'un four ou d'une cheminée. Là, en l'occurrence, c'est pour ça que Marie-Louise Ollier traduit le cimetière du grand péril, parce que l'âtre périlleux, c'est peut-être un petit peu... Ouais. C'est ça, et... Justement, il fait sursauter ce jeune homme quand il arrive dans ce cimetière autour de la chapelle et il pensait passer la nuit ici parce qu'à la ronde, le garde de la ville lui avait dit il n'y a aucune chaumière ni aucune maison. Vous ne voudriez pas rentrer dans la... Vous n'allez pas rentrer là. Et en fait, le jeune homme lui dit « Mais oui, on a un moyen de rentrer. Vous laissez votre cheval dehors. Vous venez avec moi. On va passer par le fossé. Puis mes hommes nous feront rentrer dans la ville. » Il connaît un endroit où apparemment des gens l'attendent pour qu'il puisse ramener. Il chassait dans la forêt. Puis c'est comme ça qu'il s'est égaré dans cet endroit-là. Mais vu qu'il est de bonne... il est, disons, connu dans la ville. Je crois qu'il doit être un parent du seigneur ou quelque chose comme ça. On le laisse rentrer. On le fait rentrer comme ça par les murs. Mais Gauvin n'accepte pas parce qu'il veut pas laisser Gringalet son cheval dehors. Il dit « S'il y a des bêtes sauvages ou quelque chose qu'il bouffe, ça me serait reproché. » Donc non, Gringalet, où je vais, Gringalet va. Il veut pas se séparer de son cheval, mais il lui dit, du coup, si vous allez dans la ville, donnez un message au seigneur pour qu'il empêche Escanor de coucher avec la dame. Et ça va se répéter à plusieurs reprises, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Même s'il peut pas lui-même aller au château, Gauvin va demander à ce jeune homme qui va l'accompagner pour un petit moment. Ouais. de faire ça, en fait. C'est ce qui se passe, c'est que Escanor, le seigneur du lieu, dit « Escanor, s'il vous plaît, donnez-nous la dame, elle va aller avec ma femme dans ses appartements, machin, elle va être séparée de vous pour cette nuit, et on vous la rend demain matin. » Et puis Escanor refuse, et il dit « Puis t'as le jeune homme qui dit « Dans ce cas, je vais aller vers Gauvin lui dire que j'ai échoué pour la mission qu'il m'a confiée. » Et il y a le seigneur qui intervient et qui dit « Non, je préfère utiliser de... » Il dit littéralement « Je préfère l'imposer par la violence plutôt que vous ayez à refaire le chemin. » Il dit à Escanor « Vous lâchez la dame parce que sinon je vais basiquement faire usage de mon autorité pour vous forcer à le faire. » Et donc Escanor est triste, mais il est obligé de le faire. Pendant ce temps, Gauvin subit l'aventure qui donne son nom romain, l'aventure de l'âtre périlleux. Il est sur une tombe, puis d'un seul coup il y a une espèce de dalle, la dalle qui commence à bouger et à se lever, puis il comprend pas pourquoi, puis elle glisse. Et en fait il voit qu'il y a une dame qui est enfermée dans la tombe. Elle est très belle, elle est habillée de belles manières, etc. Mais elle lui annonce qu'elle est enfermée ici depuis que sa belle-mère l'a ensorcelée. Sa belle-mère l'a ensorcelée et elle a perdu la tête. Elle s'est vouée à un diable dans l'espoir de guérir. C'est-à-dire qu'il y a un diable qui l'a rencontrée et qui lui a dit « Vouez-vous à moi, cette entité démoniaque, vouez-vous à moi et vous serez guéri de cet ensorcellement. » Et puis apparemment, c'était une astuce pour l'avoir en son pouvoir. Et du coup, elle est enfermée dans cette tombe et chaque soir, il y a un diable à forme humaine qui vient et qui abuse d'elle. Sexuellement, donc il abuse d'elle sexuellement. Et... justement, elle dit à Gauvin, « Seigneur, maintenant vous n'avez d'autre issue, apprêtez-vous à vous battre contre lui, car je sais de science sûre qu'il est en route et qu'il ne se trouve pas loin d'ici. Ne vous laissez pas déconcerter, ayez en Dieu bonne espérance. Si vous avez une foi solide, vous auriez tort de le redouter en quoi que ce soit. Vous connaissez bien la croix dont je vois le signe au-dessus de moi. Alors, quand il vous arrivera d'être particulièrement angoissé sur l'issue de la bataille, portez sans faute vos regards sur elle. » Donc il doit y avoir une croix sur sa tombe ou sur la chapelle, à l'entrée de la chapelle peut-être. La géographie du cimetière, je ne suis pas complètement clair, mais il y a une croix dans le décor. Et elle lui dit « Quand vous devez reprendre votre souffle, regardez la croix pour que le Seigneur ait plus pitié de vous, car soyez-en convaincus, l'un de vous deux nécessairement mourra, et moi je ne serai jamais tiré de ma misère si vous ne m'en délivrez cette nuit. Maintenant préparez-vous, car je l'entends, il est à une demi-lieue de distance, l'ignoble traître. » Donc le diable arrive dans le cimetière en criant « Espèce de garce, c'en est fini de votre vie et de l'honneur de votre galant, cet entretien va connaître bientôt une fin déplorable. » Et elle réplique avec dignité « Il me pèse fort, certes, d'avoir dû me prostituer à vous, mais voici Monseigneur Gauvin dans le monde entier loue la valeur, donc on l'avait dit Gauvin et cette idole. J'ai la ferme croyance que Dieu, cette nuit, lui viendra en aide, et je ne cesserai à jamais d'être soumise à votre plaisir. » Donc le combat rage, c'est les descriptions habituelles, Gauvin taillade les pierres précieuses du home de son adversaire. Plusieurs fois, il est un peu en perdition, et plusieurs fois, la dame doit lui dire « Non, Gauvin, rappelle-toi de la croix !» Et il regarde la croix, et il doit se rappeler de se ragaillardir grâce à ça. Et finalement, elle lui dit « Ah, valeureux chevalier, ne te souviens-tu donc pas de la croix ?» Et là, le texte nous dit « La force de Gauvin lui revient, ainsi que sa vaillance et sa hardiesse. Après avoir regardé la croix, il court rapidement attaquer son ennemi. Il lui donne un tel coup de son épée qu'il l'abat sur les genoux. Il lui fend l'écu de part en part, si bien que les deux moitiés en tombent à terre. Une nouvelle fois, il va l'assaillir car il voit qu'il l'a gravement touché. Il le fait reculer sur un tombeau derrière lui. Le tombeau était grand et long. Il le pousse par-dessus, donc il trébuche dessus. À quoi vont vous en dire davantage? Le diable tombe dessus si brutalement qu'il ne peut plus se relever. Dans le déséquilibre que provoque la chute, son home tombe, il touche la terre, si bien que les lacets en sont rompus et qu'il vole sur le terrain. Gauvin voit le visage découvert et il le frappe de son épée en plein milieu, par-dessus les yeux. Le coup a emporté toute la figure jusqu'à la moitié du menton. Il le frappe une nouvelle fois à la volée, tant et si bien qu'il lui tranche la tête. Donc il lui entaille le visage, bam, coupe la tête. Et la dame est libérée. Le motif de la croix qui permet d'aider le chevalier, c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Perceval, non? C'est pas un truc que... C'est un truc qu'on a dans les continuations, dans la deuxième continuation qui a été reprise dans le Perceval en prose, où il y a cette dame maléfique qui lui apparaît sous la forme de blanche fleur. Oui, c'est ça, puis c'est la croix. Et il est sur le point de coucher, mais en voyant son pommeau en forme de croix, voilà, il fait le signe de croix et il est libéré. Un motif récurrent. On va voir, l'âtre périlleux a beaucoup, à part cet incident, qui a des parallèles, hein, le combat de mystère dans un cimetière, le diable, le cimetière hanté, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent sous des formes différentes. C'est un motif assez courant, folklorique. Et aussi dans tous les romans en prose, d'ailleurs, hein, il y a au moins une variante à peu près partout. Et dans Lancelot en prose, il y a une version où Lancelot se retrouve dans un cimetière la nuit et puis il y a une corde de démon qui vient, il y a quelque chose dans le Père Lesvos, je crois. Oui. Oui, mais il y en a tout plein. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant avec l'âtre périlleux, c'est qu'il reprend beaucoup de fragments, en fait, d'autres romans pour les ajouter dans une espèce de récit qui est, lui, pour le coup, plutôt inédit, mais dans son ensemble. Mais, enfin, la structure générale est inédite, mais les détails, sont très rapportés d'autres romans. Donc, la damoiselle de la tombe est sauvée, est guérie, et le lendemain matin, ils peuvent continuer à faire route, mais en arrivant au château le matin, en fait, ils s'aperçoivent que le jeune homme qui l'avait aidé, qui avait aidé Gauvin, lui dit ils sont déjà partis ce matin, mais je vais suivre avec vous et on va continuer. On va continuer. Parce que visiblement, le jeune homme en question, c'est pas un chevalier, mais il est assez connu dans la région, il a des parents un peu partout. Il est assez pratique pour faire avancer l'histoire, justement. Voilà, c'est ça. Et il arrive, en fait, ils arrivent à la ville suivante, en fait, ils n'arrivent pas à le rattraper tout de suite. Une chose qu'il faut noter juste, c'est que Gauvin, justement, s'endort, épuisé par le combat sur le giron de la jeune femme, donc il dort sur son giron toute la nuit, et puis le lendemain matin, il y a justement une foule de bourgeois qui débarquent, parce que toute la nuit, ils ont entendu le tapage, et ils connaissent le lieu, donc ils savent que ce lieu, justement, le jeune homme lui disait, vous devez pas rester ici, parce qu'ils savent qu'il y a des apparitions démoniaques, et ils disent, ben, l'aventure est finie, et le cimetière et l'âtre Périlleux perd son nom, on va plus l'appeler l'âtre Périlleux maintenant. Et justement, ensuite, ils vont à la ville, ils sont partis, et ils sont à la poursuite d'Escanor, et ils le voient même pratiquement sur la route. Alors, la ville suivante, Escanor, de nouveau, arrive avant eux, mais là, cette fois-ci, ils peuvent rentrer, ils sont assez tôt. Par contre, il se passe les choses un peu différemment ici. Ce qui se passe d'abord, c'est que sur le chemin, la dame et le jeune homme voient Escanor sur le chemin au loin, et la dame reconnaît, à la couleur vermeille, le bouclier d'Escanor. Et là, elle lui dit quelque chose qui est assez intéressante. Elle lui dit à Gauvin de ne pas le combattre parce que ce sera pire que le combat avec le diable. Et Gauvin, il ne veut pas abandonner. Il dit, je dois aller sauver cette dame. Mais elle, la dame continue, elle lui dit ce qu'elle a appris par le diable. Donc apparemment, à cause du diable, elle a connu une certaine forme de connaissance secrète sur le monde. Et elle dit, jusqu'à l'heure de none, il possède la force de 3 chevaliers les plus hardis, les plus vaillants qui puissent se trouver. Et quand le soleil commence à décliner, dès qu'on dépasse none, il s'affaiblit quelque peu. Donc d'habitude, c'est quelque chose qu'on attribue à Gauvin, cette idée que sa force varie avec le cours du soleil, ben là Gauvin doit affronter quelqu'un qui a cette propriété là. Et là on lui dit même effectivement que c'est quelque chose que la mère de Gauvin avait prédit, en fait, que ce serait qui a pas fait, alors probablement confusion avec la fée Morgane, et puis bah du coup qui est une autre sœur d'Arthur, là c'est la mère de Gauvin qui est attribuée comme fée. On nous dit que bah finalement ce serait ce chevalier là qui s'il en est un qui pourrait tuer c'est ça, c'est elle dit votre mère était une grande sagesse, elle vous découvrit certaines choses dont elle avait la connaissance, je n'ignore pas qu'elle était fée. Alors fée, bon, ça peut vouloir dire justement une fée, ça peut être quelqu'un d'enchanté, ça peut être quelqu'un de merveilleux, mais clairement il y a une espèce de confusion là-dessus sur le rôle des fées et aussi sur leur lien avec le destin, c'est-à-dire dans ce thème folklorique qu'on connaît surtout avec la Belle au bois dormant, mais les fées qui se penchent sur le berceau du héros et qui déterminent son destin, qu'elles héritent à moitié des parcs. Il y a l'étude classique de, je suis en train de la lire, de Laurence Halflankner sur la naissance des fées, Morgane et Mélusine, où elle parle des contes mélusiniens où il y a une fée qui vient dans le monde des hommes, ou des contes morganiens comme elle les appelle, où il y a un homme qui va dans le monde des fées. Mais donc, justement, elle a annoncé le destin de Gauvin. Elle a dit, Gauvin battra tous les chevaliers, mais il y en a un où elle n'était pas sûre. C'est pas qu'il va battre Gauvin ou pas, mais elle dit, il y en a un qu'elle ne voit pas le dénouement du combat, et c'était Escanor de la Montagne. Et du coup, effectivement, c'est le seul chevalier qui pourrait éventuellement tuer Gauvin, si, en tout cas, c'est à peu près sûr que si Gauvin l'affronte trop près du midi, ça sera risqué. Et donc Gauvin dit, non, je n'abandonne pas, que ce soit sa mort ou la mienne, ce combat va devoir se faire. Et du coup, résultat des courses, parce qu'en plus Gauvin se sent effectivement coupable, Escanor a battu que, s'il était allé plus vite à l'action, il aurait peut-être pu éviter effectivement le rapt de la damoiselle. Donc ils arrivent au deuxième château, puis heureusement le jeune homme, comme tu l'as dit, connaît quelqu'un, un bourgeois où ils pourront s'héberger. Gauvin arrive et il dit non, je vais pas enlever mes armes, parce qu'il envoie un autre jeune homme, bon là il y a un peu cette multiplication de gens, mais il envoie un autre jeune homme au château pour dire, dis à Escanor que je suis en bas et qu'il doit soit lâcher la dame pour cette nuit, soit il descend et puis je vais le défoncer. Et puis Escanor a reculons de nouveau, abandonne de nouveau, et puis parce qu'il sait que si le combat a lieu aussi tard le soir, en fait il a beaucoup moins de chances de gagner, en fait c'est ça. Gauvin exploite un peu cette chose pour permettre cette fois-ci, parce qu'il a pas d'autre, là le seigneur du château par contre dit effectivement non, effectivement bah j'ai promis quelque chose à ce jeune homme effectivement, mais je ne peux pas renoncer disons à le droit de les droits que Escanor a chez moi en tant qu'hôte. Et là du coup il aurait donné raison à Escanor, mais Escanor finit par accepter parce qu'il sait que sinon il va devoir se battre contre Gauvin qui lui n'est pas soumis aux mêmes règles de puissance que lui. Mais donc ce qui est assez glauque dans cette histoire, dans cette idéologie du duel qui est complètement présente là-dedans, c'est que les gens ne voient rien de mal au fait qu'Escanor ait enlevé cette dame. Ce qu'ils voient de mal, c'est qu'il a échappé à un duel en bonne et due forme avec Gauvin. Genre s'il gagnait contre Gauvin, il aurait parfaitement le droit de l'emmener et vice-versa. Et donc ce qui pose problème à ces seigneurs, c'est justement qu'ils voient Escanor comme quelqu'un qui délaie un combat inévitable, qui doit juger de l'issue de ce problème-là. Mais donc, le lendemain, c'est là qu'on va enfin avoir l'affrontement. Gauvin, malgré le fait qu'il a été averti plusieurs fois qu'il faut plutôt se battre le soir plutôt qu'à l'heure de none, précipite quand même l'affrontement. Il apprend une confession étrange d'Escanor qui, quand même, on pourrait penser que ça l'arrêterait un petit moment, mais là, pas du tout. Escanor dit « Sachez bien une chose, j'ai envoyé de mon pays la jeune fille au clair visage toute seule à la cour du roi, puis je suis allé en grand tapage la reprendre sous les yeux de nombreux barons à seule fin d'avoir un motif raisonnable de me battre contre vous. » Donc il dit à Escanor qu'en fait il a mis ça en scène et que la dame a pas vraiment été kidnappée. On se dit il va violer cette pauvre dame et tout, mais en fait on apprend que c'est vraiment son amie et que apparemment elle fait partie d'une espèce de complot pour se battre contre Gauvin. Ce qui va être confirmé par la dame elle-même après. Et Gauvin ne veut pas s'arrêter. Et donc, ils s'affrontent à la lance, ils cassent une première lance, et Gawain veut continuer à se battre à l'épée. Puis Escanor dit « Non, mais dans mon pays, on ne fait pas les choses comme ça, on doit combattre un peu plus à la lance. » Et donc, il y a une pause dans le combat, le jeune homme va pouvoir aller leur chercher 6 lances pour qu'ils puissent en avoir 3 chacun. Ce qui délaye aussi, bien sûr. Ce qui délaye le combat. Puis justement, le jeune homme, justement, c'est Gawain, il foncerait à tête baissée dans un combat très désavantageux, mais heureusement, il y a la dame et le jeune homme qui l'accompagnent qui peuvent délayer un peu le combat grâce à ça. La naissance du Gawain himbo, plus de muscles que de cervelle, effectivement. Et puis, Escanor prend 3 lances, dont une qui semble monstrueuse. Donc, il y a une des lances qui est énorme, et puis où il se dit, oula. Gawain, très honorable, donne le choix des lances pour pas que Escanor dispute quoi que ce soit. Il dit, bon, tu vas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les 6 lances vers Escanor, tu vas le laisser choisir, puis après, tu reviendras plus dans les autres. Et donc, les deux premiers assauts se passent à peu près à égalité. Puis le troisième assaut, Gawain a peur. Et en fait, il manœuvre de manière à transpercer la monture d'Escanor. Ce qui est quelque chose de déshonorable, normalement, en fait. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire, attaquer la monture. Mais il tue la monture d'Escanor. Et Escanor dit, tu descends de Gringalet, sinon je le tue. Puis alors, Gawain, non, pas Gringalet, celui dont je tiens. Il tient vraiment beaucoup à son cheval dans cette aventure-là. C'est normal. C'est normal. Mais justement, il tient vraiment à son cheval. On avait vu qu'il y a plusieurs histoires, comme la Vengeance Reguidel, où il se fait tuer son cheval, justement, plusieurs fois. Donc, le combat commence à l'épée, et puis justement, pendant ce temps, la demoiselle enlevée par Escanor dit, malheureuse, elle se lamente, elle dit, malheureuse que je suis, je perds de cette façon mon réconfort, mon cœur, mon ami, c'est que je suis venu pour une mauvaise cause, et j'ai entendu dire qu'aucun bien n'est un outrage, et le temps revient à mon ami comme à moi, car il était en son pays un personnage riche et puissant, et je menais moi-même une vie agréable, et c'est par provocation qu'il m'envoya toute seule à la cour du roi Arthur. Puis il vint sur mes traces s'emparer de moi sous les yeux d'une foule de barons. Elle répète, pour avoir un prétexte raisonnable de s'opposer à Gawain. Donc de nouveau, la dame elle-même a l'air d'avouer qu'elle était complice de cette mise en scène. Puis en fait, Gawain pourrait dire, j'ai pas besoin de sauver cette dame, elle est pas en danger, elle a pas été kidnappée, elle a fait tout ça de son plein gré. Mais pourtant non, Gawain veut aller jusqu'au bout. Et là, probablement qu'il y a en fait cette prophétie que sa mère avait annoncée sur Escanor, où Gawain justement, si Escanor est celui qui va le tuer, peut-être, il veut mettre fin à la vie d'Escanor. Et donc là, il y a justement quelque chose où Gawain n'est pas si honorable que ça. Il tue sa monture, ce qui est normalement quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et quand Escanor va lui demander pitié, Gawain va le tuer. Oui, c'est ça aussi. C'est Escanor, vraiment, parce qu'il a finalement commis cet outrage en envoyant cette demoiselle, puis presque pire que s'il a vraiment kidnappé la demoiselle, en fait. Il a vraiment fait croire, il a vraiment menti. Voilà, il a fait croire à toute cette mise en scène. Et c'est aussi probablement ce qui pousse Gawain à le décapiter, à ne pas avoir de pitié pour lui aussi, parce qu'Escanor a été vraiment un fourbe tout le long du truc, avec ses petites règles, ses changements de règles de dernière minute. Non, en fait, on a besoin de se battre plus à la lance. Donc, Escanor est tué, et ça n'y a aucun reproche vraiment direct sur Gawain de ce fait, mais c'est clair que la situation est présentée comme un peu extrême, quoi. Mais malgré ça, la mort de son ami finit par se réconcilier quand même avec Gawain, et elle, le jeune homme et la demoiselle du cimetière sont toutes envoyées à la cour d'Arthur pour y raconter ce qui est arrivé de Beau à Gawain, qui lui va continuer son chemin parce qu'il doit trouver finalement son nom. Ouais. Il est toujours sans identité. Sans identité. Donc là, c'est la fin du premier arc, Escanor qui a déclenché l'aventure et qui était un peu l'arc le plus personnel pour Gawain parce que justement il avait ce danger de mort, parce qu'il y a ce type qui était dont la prophétie disait qu'il pouvait le tuer. Je précise juste une chose, on avait déjà dit que les blessures. Les différents romanciers ont souvent des types de blessures qu'ils préfèrent. Donc vous avez les gens qui préfèrent les bras qui se cassent en tombant, les montures transpercées, ou bien la lance qui se plante à travers le bouclier. Lui, le romancier de l'âtre périlleux, il aime bien les blessures au visage. Donc, ou à la cervelle aussi. Ouais. À la cervelle. Il avait le diable qui avait été tué d'un coup dans le visage avant d'être décapité. Bah là, pareil, par-dessus les yeux, il lui emporte le nez entier et l'une des joues, entamant le cou au passage, il le fend jusqu'aux épaules. Donc là, il aime bien les blessures à la tête, quoi. C'est donc quelque chose d'assez sec, quoi. Il tue Escanor de façon assez délibérée alors qu'il demandait merci, peut-être aussi parce qu'il a peur qu'il joue une autre entourloupe. Donc dans un bois vient ensuite l'aventure de la demoiselle à l'épervier. Gawain entend une femme crier, il s'agit d'une dame qui a perdu l'épervier de son ami, et elle a peur de la punition. Elle se dit, si mon mari apprend que j'ai perdu l'épervier, et l'épervier s'est envolé dans un arbre, il va m'en mettre une, etc. Je veux pas ça. Gawain se met à grimper dans un arbre pour attraper l'oiseau. L'ami débarque et il dit, ah madame, vous êtes en train de fricoter avec ce chevalier. Et puis Gawain qui dit, non mais en tout bien tout honneur, j'étais juste en train de l'aider à récupérer. Et puis donc il y a des thèmes assez misogynes dans cette... dans ce roman, c'est pas entièrement clair. Il y a des histoires qui sont très misogynes. On avait vu le chevalier à l'épée, ou des histoires comme ça où il y a vraiment le narrateur qui prend la place de la misogynie. Le lait du corps. Ici aussi un peu, mais ils sont pas vus de façon aussi favorable. Donc là, par exemple, l'ami dit espèce de garce, vous mentez. C'est pas ainsi que c'est passé. Je sais bien comment il prend le large, celui qui veut couvrir sa fourberie. Croyez-vous pouvoir me faire passer pour fou? Une femme a vite trouvé de quoi inventer. Puis donc le narrateur dit « Pour ne pas allonger mon récit, je ne veux pas m'étendre sur le thème de la duplicité féminine. Vous m'avez assez souvent entendu là-dessus, en d'autres occasions aussi m'en tairai-je. » Donc il a l'air de dire « Oui, je pourrais mettre une tirade sexiste ici, mais je ne vais pas le faire. » Donc Gauvin a récupéré l'épervier. L'autre chevalier, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le cheval de Gauvin et celui de la dame. Donc il se barre avec Gringalet et celui de la dame. Donc Gauvin est à pied. Et la dame aussi d'ailleurs. Et la dame aussi. Puis donc la dame dit que Dieu vous protège et vous garde. Sachez-le, celle-ci me cause une profonde affliction, car c'est pour avoir agi selon le bien et l'honneur qui vous sont arrivés ces ennuis. Vous n'étiez accouru vers moi que pour me soulager de ma peine. Et Gauvin dit, belle, fut-il inutile d'en parler davantage. Cela ne sert à rien de se désoler. Tout homme de bien est exposé à de pareilles vicissitudes. Et s'il a l'occasion une nouvelle fois de se comporter avec l'honneur, il ne doit pas s'en laisser détourner pour autant. Donc c'est le thème de Gauvin qui se retrouve dans des situations compromettantes où on croit qu'il a fait quelque chose de mal, etc. Mais il dit non, il faut continuer à faire le bien, même si on risque de s'attirer ça. Ils sont surpris par un orage terrible qui ravage la forêt, donc ils s'abritent sous une croix pendant la nuit. Gauvin, oui, il prend la... c'est vraiment horrible ce passage où ils dorment dans le froid, la pluie, le vent. Ils sont aux éléments, ils n'ont rien pour s'abriter. Gauvin, il prend la dame dans ses bras pour lui tenir chaud, bon, en tout bien, tout honneur. Le lendemain matin, il rencontre un chevalier qui leur donne 2 chevaux contre l'épervier. Il dit à moitié, donnez-moi l'épervier. Pas vraiment comme paiement, mais pour dire comme ça, parce que comme ça vous me devez une faveur, puis si je l'épervier, vous me reconnaîtrez comme ça. Ça me permettra de se reconnaître, donc on va le retrouver plus tard. Oui, avec le gage, les chevaliers sont plus physionomistes pour reconnaître les éperviers que de se reconnaître l'un l'autre. Je pense, on a inventé les visages en 1314, avant ça, personne n'arrivait à se reconnaître. Tout le monde était atteint de. Comment ça s'appelle cette maladie? Je sais plus, la maladie où tu reconnais pas les visages. Non, il y a un peu de ça. Le chevalier est vraiment vraiment très prêt à leur donner son cheval. En fait, il a un cheval avec lui et un écuyer. Si j'ai bien compris, il y a un écuyer à cheval, le chevalier sur son estrier et un palefroid. Mmh. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que, si j'ai bien compris, son écuyer donne, à pied. Il donne le cheval de son cheval à lui à Gauvin, il donne le palefroid à la dame, et puis lui, il prend le cheval, le ronsin en fait, ouais. Le cheval déshonorant entre guillemets de l'écuyer. Et si j'ai bien compris, soit l'écuyer va en groupe, soit il court derrière. Il y a beaucoup de dames qui chevauchent avec les chevaliers. Dans la plupart du récit, là, le chevalier met la dame en face de lui pour chevaucher avec elle normalement. Alors là, en l'occurrence, ce seront les deux sur leur cheval, la demoiselle de l'épervier. Et Gauvin vont chevaucher tous les deux, où ils vont rejoindre un chevalier qu'on connaît déjà, en fait, dont on a déjà entendu parler. On a déjà entendu parler, mais il n'est pas présenté tout de suite. C'est un épisode qui est présent seulement dans le manuscrit BNF 1433, et donc il est absent de certains autres, je crois. Il ne fait pas partie de toutes les recensions, parce que c'est un peu une parenthèse. Probablement qu'il était, je crois que le consensus, c'est qu'il faisait partie de l'histoire à la base, puis qu'il a été peut-être coupé par certains. Donc Gauvin chevauche avec la demoiselle, il n'a toujours rien mangé. Il demande à un charbonnier où est-ce qu'il pourrait être hébergé. Il leur dit « Ah, je sais pas où vous pourrez être hébergé, mais certainement pas à la Rouge Cité. Pourquoi pas à la Rouge ?»« Pas à la Rouge Cité !» Et du coup, il dit « Bon, bah, on va aller là-bas parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, apparemment. » Et il leur dit que le roi est extrêmement cruel et que 4 fois par jour, il sort une demoiselle et il la fait tremper dans une fontaine d'eau glacée et que tous ceux qui le contredisent ou qui essaient de s'y opposer sont tués, même s'ils sont fils de roi. Et il y en a eu jusqu'à 54 qui ont déjà été tués pour ça. Gauvin est curieux, il se dit bon bah on va y aller quoi, il y a pas de. Et il voit immédiatement il voit immédiatement à la fontaine le chevalier en armes et en armure complètement rouge, et il lui demande pourquoi il fait ça. Et le chevalier lui dit bah vous avez qu'à lui demander à la demoiselle qui est dans l'eau glacée. Puis la demoiselle commence à expliquer, donc j'ai bien imaginé qu'elle est complètement en train de grelotter pendant qu'elle fait tout son récit. Et du coup il disait elle affirmait qu'aucun chevalier du roi Arthur, il disait qu'aucun chevalier du roi Arthur n'était à sa hauteur. Et puis elle a dit que celui qui s'imagine être le meilleur d'un royaume est fou, que pour prétendre qu'on est le meilleur d'une si grande quantité de gens, il faut être déraisonnable. Et il a répondu avec dédain, et demoiselle, vous me tenez en piètre estime, j'en ai la preuve. Et puis là il y a un petit laïus de nouveau misogyne, donc c'est pas dans la plus, là pour l'instant c'est plutôt les adversaires qui tiennent ce genre de propos. Il dit justement, Samson le fort, qui était d'une si grande prouesse, était trahi pour son épouse. Il est dans la nature d'une femme d'estimer toujours mieux le bien d'autrui que le sien. Elle croit toujours que lui est échu le rebut de tout le pays. Et elle se considère comme lésée. Serait-il le meilleur d'une armée? Donc il dit, puisque vous ne m'aimez pas comme ça, votre mépris vous a trop échauffé le cœur et je vais vous le faire refroidir. Et donc, 4 fois par jour, je vais vous sortir pour vous mettre dans cette fontaine d'eau glacée. Et je ferai mettre leur tête, la tête de ceux qui s'y opposent, je les mettrai sur un piquet, même s'il devait en venir 1 000 000. Gauvin l'affronte. À nouveau, il tue le cheval en le coupant en deux. Bon, cette fois-ci, pas de façon forcément préméditée, mais juste un coup tellement fort qu'il coupe le cheval en deux. Le combat continue furieusement à terre. Dans la cité, tous les habitants se hâtent vers les lieux. Il n'y reste personne, jeune ou vieux, homme ou femme, droit ou bossu, grand ou petit, faible ou fort, en état d'y aller, qui ne s'y rende. C'est par toutes les rues un vacarme incroyable, car nobles et petites gens, clercs, bourgeois et chevaliers, dames, jeunes filles, écuyers, tous d'un même mouvement, accourent pour voir comment le combat tense se comporte. La plaine entière autour d'eux se trouve occupée. Donc il y a vraiment tout le monde qui vient autour du combat. De façon, je présume qu'ils sont tous en train de crier « Baston, baston !» Et puis, il assure, le chevalier rouge assure à Gauvin que personne ne s'en prendra à lui s'il gagne, donc ce motif assez courant qu'il n'a pas à craindre le combat parce que les gens respecteront le verdict. Il finit par porter un coup le long de la lame qui manque de trancher les doigts au chevalier. Et il s'arrête juste à temps pour... il coupe dans les doigts, mais il ne les coupe pas entièrement. Ils tiennent encore par les nerfs à la main. La bonne épée du roi lui vole de la main loin de lui. Il court reprendre son épée. Il la saisit de la main gauche, comme lui impose la nécessité. Mais bien sûr, il finit par abandonner parce qu'il doit se battre avec sa mauvaise main. Et il abandonne. Et il dit « J'abandonne, j'irai à la cour d'Arthur comme vous me le demandez. Mais avant ça, je veux savoir votre nom. Qui m'a envoyé à la cour ?» Et Gauvin dit « Cher ami, j'ai perdu mon nom. Je suis le chevalier sans nom. » Puis il dit « Je n'en saurais pas davantage. » Et il dit « Non, tenez-vous-en à ceci, vous venez de la part du chevalier sans nom, qu'il vous accueille et vous honore jusqu'à mon retour à la cour. » Alors, ce serait marrant qu'il arrive à la cour et que ça, le chevalier sans nom m'envoie et qu'il le refuse parce qu'ils sont là « Non, mais c'est pas un chevalier. » Et il s'appelle Brin sans pitié, qu'on a déjà vu. Donc, il fait partie de ce stock de personnages un peu secondaires arthuriens. Et Gauvin reprend son bouclier. Donc, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans les continuations de Perceval, je crois, et qui a un devenir assez fort jusqu'à Aguiron le Courtois. Où ça devient vraiment ce chevalier maléfique. Ici, il est un peu sadique, mais il n'est pas autant... il est quand même honorable. Ce n'est pas un chevalier sans foi ni loi, comme on le trouve parfois ailleurs. Vient un autre chevalier... Qu'on connaît, un autre... C'est les continuations de Perceval, d'ailleurs, non Monsieur Espinogras, qui... Espinogras, je crois qu'il apparaît dans les continuations... C'est la troisième ou la quatrième continuation. Non, mais Mais oui, Espinogré, le chevalier qui a le nom le plus marseillais de toute la table ronde, qui arrive. Alors, Espinogré ici, il est un peu différent de l'Espinogré qu'on connaît. Il s'appelle Espinogré, comment il l'appelle ? L'inconstant, je crois, le chevalier inconstant. Oui, hein. Le chevalier inconstant ou orgueilleux, je ne sais plus comment c'est traduit, mais il n'est pas. Il n'est pas très. Il est du pays de Wi, qui n'a pas l'air très cohérent comme tradition dans les manuscrits, donc on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Trop, quelque part au Pays de Galles, il y a plein de Wi. Enfin bref, il est inconstant parce qu'en fait, il raconte toute l'histoire à Gauvin. Il est en quête parce que ça. En fait, il est en chemin chez une demoiselle, mais qui n'est pas sa demoiselle à lui, en fait. Non, ça. il presse une dame de ses avances depuis des années. Depuis des années, il lui dit couche avec moi, s'il vous plaît, venez. Et puis. Au départ, elle lui dit « Mais vous n'êtes même pas chevalier, je ne peux pas me donner à vous parce que mon rang est trop élevé. » Classique, amour courtois, il faut que tu fasses tes preuves d'abord. Il est adoubé chevalier, elle dit « Bon, bah, il faut faire tes preuves. » Elle lui donne un anneau pour lui dire « Quand tu auras fait tes preuves, peut-être qu'on pourra être ensemble. » Il passe 3 ans à faire des prouesses, à revenir vers elle, mais elle ne le juge jamais assez accompli. Et enfin, il parvient au sommet de sa gloire et de sa prouesse, puis elle doit admettre que... Et puis il dit « Mais madame, quand même, voilà, regardez tous les exploits que j'ai commis, c'est quand même la quantité réglementaire, maintenant on devrait être en couple. » Elle dit « Voilà ce qui me retarde et vous nuit encore à mes yeux. La perfidie que je vois répandue partout. Les hommes sont si déloyaux que parmi ceux qui sont parvenus à leur fin avec leur amie et qu'ils ont tout obtenu d'elle... Je n'en vois pas un seul que l'assouvissement ne détourne aussitôt vers une autre. Autrement dit, si je couche avec vous, vous allez juste m'abandonner pour une autre. » Il dit « Mais non, bien sûr que non. » Et puis la dame dit « D'accord, on peut coucher ensemble, mais je voudrais avoir un garant de votre promesse, quelqu'un qui va être garant de votre promesse, et on va dire le meilleur chevalier du monde, Gauvin, le neveu d'Arthur, le bon chevalier. » Puis elle dit « Je veux avoir Gauvin comme promesse. » Et là où Espinogré est très traître, c'est que lui, en fait... Il pense que Gauvin est mort. Il a entendu parler des... Il a entendu la rumeur que Gauvin est mort. Et donc, il dit d'accord, Gauvin sera le... Et il accepte, il veut tellement coucher avec cette dame qu'il accepte cette chose déshonorable, c'est que Gauvin n'est pas mort, finalement. Mais il pense que Gauvin... il pense que Gauvin est mort, et donc il ne peut pas faire valider la promesse. Et il accepte ses conditions, ce qui est quand même assez déloyal. Il peut coucher avec elle, il y songe pas deux fois, il passe la nuit avec elle et il dit « Et la veille, hier, j'ai enfin réussi à passer la nuit avec elle. » Et il y a Gauvin qui dit « Mais je m'étonne que vous ayez abandonné votre amie si vite, vu que vous avez passé tellement de temps à la courtiser, etc. Et » et puis il dit « Ah oh, mais non, mais c'est parce que maintenant, là, il y a une autre dame que je convoite dans un autre royaume et puis je vais essayer de la rejoindre. » Et Gauvin dit « Ah ben voilà, exactement comme votre dame l'avait cru, vous êtes extrêmement déloyal, maintenant que vous avez couché avec elle, vous avez obtenu d'elle ce que vous vouliez, et maintenant vous allez l'abandonner. » Et puis il dit il s'énerve et il l'enjoint, il dit « Soyez loyal par pitié, selon la promesse que vous lui avez faite, cautionnée par Gauvin. » Et puis il dit « Ah oh, mais elle m'a tellement mis à l'épreuve, elle m'a valu tant d'épreuves et de peines et de veilles. Elle s'est acquittée envers moi en faisant don de mon amour, je l'ai absolument mérité car je l'ai si longtemps aimé et servi. J'ai dépensé tant d'efforts et qu'elle m'a même pas donné pour toute cette année la moitié de mon salaire. Et puisque j'ai réussi et qu'elle m'a autant tourmenté, maintenant j'ai envie de la faire souffrir un peu, basiquement il dit. » Et Gauvin il devient furieux. quand il veut pas changer d'avis, et il ne révèle pas qu'il est Gauvin, mais il dit « J'aimais beaucoup Monseigneur Gauvin et je me conduirais trop bassement si je permettais que moi présent il fût exposé au blâme et si, vivant ou mort, il est accusé d'une vilainie. Puisque vous êtes insensible aux représentations de la raison et de la vertu, autant qu'à mes pressantes prières, je vous assure d'une chose. Puisque vous persistez dans votre entreprise, préparez-vous à avoir affaire à moi. » Et donc il commence à se battre. Finalement, Gauvin le tabasse et assez vite parvient à lui faire abandonner. Il lui donne son épée et il lui dit, il lui fait promettre de tenir sa promesse. Et il dit, je veux savoir qui m'a battu du coup. Et Gauvin dit, je ne peux pas vous dire mon nom car je l'ai perdu et j'ignore qui me l'a dérobé. Maintenant, je dois partir à sa recherche, mais je ne sais où ni dans quel pays. Venez avec moi et pliez-vous de bonne grâce à ce que je vous demanderai. Donc Espinogresse a été vaincu, mais il devient un des compagnons de l'aventure de Gauvin. Et donc, contrairement au motif habituel, on l'envoie à la cour, comme il l'a fait pour Brin sans pitié. Là, par contre, Espinogresse va l'accompagner et il fait partie de la team maintenant. Donc, il le ramène à sa dame, qui se réjouit, puis dit « Ah, c'est sympa que ce chevalier anonyme que nous ne connaissons pas se soit porté garant de la promesse de Gauvin. » Et ensuite, il rencontre un autre amoureux, un certain Cadresse ou Cadret, qui aussi, en fait, il chantonne un chant d'amour, et puis ensuite il se met à pleurer de désespoir et à hurler et à se lamenter. Puis il reprend la route et il chante son chant d'amour, donc il oscille entre la joie, guillerette et le désespoir, parce qu'il se lamente pour une dame qu'il aime depuis 2 ans et demi, mais depuis que sa mère l'a remarqué, il peut plus la voir. Elle est mise sous clé par sa mère. Elle a été remise en mariage à un riche prétendant d'un pays lointain où il essaie de se rendre, et donc il oscille entre joie et désespoir parce qu'il va enfin revoir sa dame, mais il sait que c'est le moment où elle va être donnée à ce riche prétendant, et surtout il compte affronter ces gens, mais ce chevalier est accompagné par 20 compagnons, donc il y a une petite armée, et il dit aucun chevalier fût-il Roland ou Olivier, donc il y a une petite référence à la matière de France, aucun chevalier fût-il Roland ou Olivier ne serait capable de subir un tel assaut sans être au bout du compte. Mais Gauvin, il dit, on va t'aider, et Espinogresse, on va t'aider aussi. Puis ça, j'aime bien l'idée que justement, ils rencontrent une autre quête et qu'ils vont aider cet autre chevalier à plusieurs. Il y a un moment intéressant là-dedans parce que le chevalier, du coup, leur dit Cadresse, en fait, Cadret ou Cadrette, je ne sais pas comment il le traduit dans la version de la collection bouquin, il leur dit, en fait, non, ne renoncez à m'aider parce que juste avec vous deux, on ne sera jamais assez, vous risquerez votre vie. Et en fait, Gauvin dit, mais non, il faut qu'on vous aide, c'est la seule chose à faire. Et en fait, il dit Cadret, en fait, l'auteur dit que Cadret est finalement très reconnaissant parce qu'il n'aurait pas osé demander, mais il voulait sincèrement qu'il propose de l'aider. Donc, il y a ce moment assez touchant où Cadret n'ose pas leur demander parce qu'il a peur pour eux, en fait. Mais où il accepte finalement l'aide de Gauvin et Espinogresse. Et du coup, on a une compagnie qui est faite de Gauvin, Espinogresse, Cadret, et puis la demoiselle à l'épervier qui est toujours là. Et puis justement, la prochaine aventure, c'est celle de le chapitre que Marius Dollier appelle « La dame aux 7 frères », est inaugurée parce que cette dame, en fait, meurt de faim. Elle dit « J'enrage, j'ai trop faim, il faut que je mange un bout de pain, sinon je vais tomber morte. » Et ils disent « Mais vous voyez bien qu'il y a nulle part où on peut s'alimenter. » Et il décide donc d'aller dans un château pour s'alimenter, ce que le narrateur accueille d'un couplet antiféministe un peu, genre « Salomon dit dans l'un de ses livres qu'il perd toute liberté celui qui s'embarrasse d'une femme, car l'homme qu'elle tient est surprend dès qu'il est épris, a largement de quoi se plaindre s'il avait seulement assez de cœur pour oser émettre la moindre protestation, mais aucun n'a cette audace, et celui qui se met le plus en peine d'aimer, qui s'emploie toujours davantage à servir la dame dans ses moindres désirs, qui s'y montre le plus attentif et qui l'honore avec le plus de constance, c'est finalement celui qui s'en repent le plus. » Mais j'ai envie de passer à autre chose et de revenir à ma matière car j'en ai assez dit sur le sujet des femmes. Personne ne conteste désormais qu'il en est très peu parmi elles qui échappent à cette réputation. Oui, en fait, il se plaint de la demande de la... Alors pourtant, c'est quand même bien... Qu'elle est juste en train de mourir de faim. Et d'ailleurs, elle le dit. Hein, c'est bien les femmes, ça, s'alimenter. Mais du coup, c'est un peu l'inverse de d'habitude quand c'est toujours les chevaliers qui veulent s'alimenter puis les demoiselles qui sont non, on part maintenant. C'est ça, d'habitude, c'est plutôt ces dames qui comprennent pas qu'on a besoin de manger un bon beefsteak. Mais ce passage fait beaucoup songer au chevalier à l'épée où il y a Gauvin qui dit la même chose, qui dit « Ah, c'est comme ça les femmes, plus on s'efforce de les servir, plus on leur fait du bien, plus on les respecte et plus on s'en repent. » Ouais, effectivement. Cette idée qui est pas très compatible avec en fait l'idéologie courtoise, quoi. Si on regarde l'histoire de Gliglois à l'inverse, on a justement l'idée que si on les respecte, etc., on finit par être récompensé. Il faut préciser qu'avant de partir pour aller à ce château dont ils ont entendu parler, où il y aurait de quoi s'alimenter pour la dame, il a donné un corps, où il s'est assuré, en fait, je sais plus s'il l'a donné, où il s'est assuré que Espinogresse ait un corps avec lui, pour pouvoir appeler à l'aide quand ils auront besoin, parce qu'il a dit, je reviens vous aider après, dans votre bataille, mais au cas où, ayez un corps pour me signaler quand vous êtes en position de vous battre, en fait. C'est ça, ouais. Pour bien l'avertir. Du coup, ils vont dans ce château, où ils tombent, en fait, sur un château où il y a une très riche table qui est bien achalandée, où ils vont pouvoir manger, et il y a une dame qui est assise à la table et qui va et à qui Gauvin va demander de s'il peut prendre de la nourriture pour alimenter la jeune femme qui l'a amenée, qui se trouve dehors. Et elle lui dit non, pas du tout, je te laisserai pas. Jamais. Voilà. Moi et, vivant, jamais. Puis donc, il y a un nain qui est là qui lui dit non, mais vous arriverez pas à lui demander poliment, faut juste le prendre puis la forcer. Ouais, prenez-le parce qu'elle est comme ça. Elle vous donnerait pas un quignon de pain, quoi. Et donc il dit prenez seulement. Donc elle respecte pas vraiment les règles d'hospitalité, mais donc elle est très très énervée. Alors Gauvin prend de la nourriture pour l'amener à la dame, pendant qu'elle le maudit, puis il dit ah si mes frères étaient là. Si le frère était là, vous feriez moins le malin. Et encore plus drôle, elle dit si Gauvin était vivant, on verrait pas ça, parce qu'elle a l'air de dire si Gauvin était vivant, personne n'oserait s'en prendre à une dame comme ça. C'est assez ironique pour Gauvin. Il amène la nourriture dehors à la dame. Il croise un chevalier qu'on a déjà vu, le chevalier à l'épervier, qui lui avait donné un cheval et à la dame quand il s'était dans la forêt. Et il réclame sa dette. Et il dit en fait, je convoite la fille du château depuis 3 ans, et il demande à Gauvin de la lui donner. Et Gauvin dit « Ah, oh, pas de problème !» Puis donc il va dans le château, il prend la dame, il la met sur son cheval et il la ramène. Puis on se dit « Mais c'est un peu glauque, il va juste lui... » Genre il se dit « Ok, cette dame était un peu agaçante, mais il peut quand même pas juste l'enlever comme ça. » Et puis bien sûr, il y a une espèce de... On nous dit aussi le nom du chevalier en question, je crois que tu l'as pas mentionné. Oui, c'est un certain Raguidel de Langarde. Tiens donc, un inconnu. Everybody's here. C'est vraiment ça, c'est tous les personnages mineurs se retrouvent dans ce roman. Et du coup, ils y vont, mais là, elle pousse des cris, cette dame, et les fameux 7 frères qu'elle avait mentionnés accourent. Mais quand elle voit Raguidel, en fait, c'est son âme. En fait, Raguidel, elle l'aime, et puis du coup, elle est très contente d'avoir été amenée. Une fois qu'elle réalise que c'est lui, en fait. Il y a une espèce de twist où c'est un peu. Je sais pas, il voulait mettre une espèce de. Justement, de nouveau, c'est mise à l'épreuve où Gauvin est accidentellement courtois, où il fait un truc qui aurait pu être mal vu, mais qui se tombe bien. Et il y a encore un twist sur la question, parce que quand il voit. Quand l'aîné des frères arrive, il fait sceller Gringalet pour s'en prendre à Gauvin. Et Gringalet, évidemment, Gauvin reconnaît plus vite Gringalet que le chevalier en question, puisque c'est bien le chevalier qui avait abandonné la demoiselle à l'épervier. Exactement, il s'appelle le Cordovin ou Codrovin. Codovrin le Roux. Et effectivement, une fois que tout est résolu, tout est bien qui finit bien, parce que la dame explique à ses frères que en fait Raguidel est l'homme qu'elle aime. Gauvin amène la dame au chevalier à l'épervier. Elle lui dit qu'il a pas couché avec elle, il avait pas de mauvaises intentions comme ça, et du coup il le laisse. Mais c'est assez drôle que les scènes de Codovrin qui entend tous ces cris puis qui dit je ne suis plus maître chez moi, les gens viennent se servir à ma table et kidnapper ma sœur, etc. Et justement, d'abord, Gauvin doit quand même le renverser pour remarquer que c'est Gringalet, puis qu'il devrait laisser sa sœur se marier avec Raguidel. Et du coup, au final, tout est bien qui finit bien, et Gauvin, en plus, dans l'affaire, a gagné 8 compagnons, puisqu'il récupère Raguidel et les 7 frères de la dame pour aller se battre contre les adversaires de. Mais je crois qu'en tout cas, il y a les 6 frères, donc il y a Espinogresse et puis Cadrette qui sont déjà partis avec leur corps, et donc il y a les 6 frères qui accompagnent. Il y a. Je crois que Raguidel et Codovrin ramènent quand même les dames. Non, Raguidel va avec les frères et Codovrin ramène les dames. Codovrin ramène les dames au château. Mais il dit j'ai des passages secrets, j'arriverai sur le champ de bataille en temps. Puis donc, il y a cette bataille contre les 20 qui est déclenchée, qui se passe à une espèce de guet qui sont. Ils sont en train de traverser un gué et ils se font attaquer par les deux qui Espinogresse et Cadrette qui se débrouillent assez bien, puis ils sonnent du corps. Gauvin débarque pile à ce moment-là avec les 6 qui arrivent même à repousser les adversaires et leur faire repasser le gué qu'ils avaient franchi. Au final, je passe un peu le combat, donc il y a plein de choses qui se passent. La dame voit Cadrette, elle est enthousiasmée, etc. Cadrette finit par réussir à la fin à s'en emparer, mais donc au départ il parvient à immobiliser à terre son rival avec le haume arraché et il est obligé de se rendre. Codovrin le Roux débarque finalement, il avait été mettre les amis à l'abri, donc il a un petit délai. Et Gauvin, il en profite de cette nouvelle arrivée qui déstabilise tout le monde pour prendre le cheval de la demoiselle par la bride et le donner à Cadret. Gauvin part ensuite avec Espinogresse, donc là tout est bien qui finit bien, il a retrouvé sa dame. Et Gauvin part avec Espinogresse pour accomplir la fin de l'aventure qui est retrouver son nom. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que Gauvin a vraiment ce rôle que d'habitude on attendrait d'Arthur, en fait, de donner les dames aux gens. C'est-à-dire qu'il fait des pères des gens où il dit, il prend la dame et il la donne à Cadret. Il y a le Raguidel qui demande d'aller chercher la demoiselle aux 7 frères dans le château. Il y a plusieurs moments où il apparie les gens, en fait. S'ensuit donc la suite de l'aventure où Gauvin va pouvoir apprendre déjà qu'est-ce qui s'est passé. Il avait eu le récit de l'écuyer, mais qui n'était pas complet. Il arrive chez Tristan qui ne rit. Je crois que c'est Tristan qui ne rit. En tout cas, Ollier traduit Christ, Tristan qui jamais ne rit. C'est pas Tristan de Tristan et Iseux, c'est un autre Tristan. C'est un peu comme les Yvan, ils sont toujours distingués, puis il apparaît parfois dans les romans. Et ils apprennent le nom des coupables qui ont démembré le chevalier qu'ils ont pris pour Gauvin, parce qu'il y a un ou plusieurs bras, le texte n'est pas toujours très clair, du chevalier qui est conservé chez Tristan. Les dames qui convoitaient ces deux chevaliers, ils désiraient l'amour de Gauvin et d'un autre bon chevalier. Alors là, c'est un petit peu, ça pose problème. Il y a une autre dame qui dit « J'aime le bon chevalier qui est le chevalier vermeil qui a obtenu son armure avec sa seule bravoure. C'est Perceval, bien sûr. Donc c'est assez symétrique du conte du Graal. Ces deux dames sont amoureuses de Perceval et Gauvin. Et les deux disent, mais non, vous devriez nous aimer, nous, à la place. Et puis elle leur dit, si vous arrivez à vaincre Gauvin, peut-être qu'on pourrait vous aimer. Et donc ils finissent par tomber sur ce chevalier qui porte un blason similaire à Gauvin. On apprendra son nom après. Et ils l'ont démembré. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont démembré? Bah parce qu'ils doivent prouver séparément à leur dame qu'ils l'ont tué. Donc il y en a un qui prend la tête et le corps apparemment, puis un qui prend les bras, etc. Alors comment est-ce qu'ils prouvent, comment est-ce qu'elles reconnaissent que c'est le bras de Gauvin? Bon, il y a un moment intéressant, je trouve un peu bizarre même, où quand Tristan raconte l'histoire, il nous explique en fait que... Qu'il y a trois chevaliers, en fait. Comme on l'avait dit au début de l'histoire, il y avait vraiment trois chevaliers. Ouais, il y avait donc le premier en fait arrive, se sépare des trois quand il arrive chez Tristan et demande l'hospitalité en laissant les autres bien en arrière. Mais c'est pas très clair parce qu'on a l'impression qu'il demande que pour lui. Mais visiblement Tristan l'accorde pour les trois. Puis quand les deux autres arrivent, il voit arriver en fait que le premier. La traduction française est pas très très claire. D'ailleurs, j'aimerais remercier Tim @tsvingard sur Twitter qui, en train de lire la version anglaise, m'a fourni la traduction issue des trois romances arthuriennes, donc anglophones, et la version anglaise est un peu plus claire dans sa traduction, parce que là, l'ordre des arrivées n'est pas très très clair. En fait, il y a bien un chevalier qui arrive donc seul, puis après les deux autres qui trimballent le cadavre séparé en deux, et c'est ces deux chevaliers-là dont les dames, effectivement, leur ont demandé de prouver leur vaillance contre Gauvin et Perceval, en l'occurrence, ils ont juste fait contre Gauvin, parce qu'on ne mentionnera pas Perceval après. Du coup, le premier, après coup... Tristan regrette d'avoir accepté de l'héberger, mais il nous dit ouais, mais c'est un chevalier dont j'ignore. Enfin, il nous dit pas son nom, il dit c'est très très peu clair. En fait, c'est un chevalier qu'ils ont embarqué avec eux dans l'affaire, qui est moins coupable parce que du coup, c'est pas lui qui voulait tuer Gauvin. Ils l'ont peut-être dit des choses sur Gauvin qui n'étaient pas vraies. Je pense qu'il disparaît du récit là. Ouais, il reparaît pas vraiment, mais ce que je pense qui est assez clair, c'est que l'auteur s'est dit. Il y a ces deux chevaliers qui ont démembré Gauvin et qui débarquent chez Tristan, et il faut expliquer pourquoi ils les hébergent, parce que s'ils débarquaient avec des morceaux de bras dans les mains, qu'ils étaient couverts de sang, ils se rendraient compte que quelque chose va pas. Et donc on crée un troisième chevalier qui sert basiquement à dire voilà pourquoi je les ai invités, même si je regrette maintenant quand j'ai appris ce qu'ils ont fait. Et donc ils expliquent que, en fait, leur truc a même pas vraiment marché. C'est-à-dire que les demoiselles en question, elles ont reconnu que c'était pas Gauvin. Alors celle qui a eu un bout de pied de Gauvin et qui a dit non, je connais les... J'ai des photos de pieds de Gauvin ici. On ne me la fait pas, moi. C'est Wikifeet. Wikifeet de Gauvin. Gauvin OnlyFans. Non, parce que si c'est la tête, on comprend qu'elle reconnaissent. Elles disent, non, mais c'est pas Gauvin. Puis du coup, ils disent, non, si, c'est Gauvin. Et du coup, ils font cette proclamation publique où ils disent, on a tué Gauvin. Et ils disent, on va bien voir si quelqu'un vient démentir. Et c'est ça qu'on voit dans cette culture de l'honneur qui est si forte. C'est que ce qui est assez intéressant, c'est que Gauvin lui-même, quand les gens le disent, il peut pas vraiment l'affirmer parce que le seul mode de preuve de la société fictive arthurienne, c'est de se battre contre des gens. C'est-à-dire que tant qu'il s'est pas battu pour affirmer qu'il est vivant, il a pas le droit vraiment de le dire, quoi. Et donc, maintenant que Tristan leur a révélé toute l'histoire, Gauvin sait où il va devoir aller et quoi faire, et ils vont en fait se séparer. Espinogresse va aller affronter Gomrel Desrée. Desrée, c'est un terme qui était appliqué à Sagremor et puis à son père aussi. Ça veut dire le déréglé ou le déraisonnable ou l'inhabituel, qui implique peut-être quelque chose pour ces... Parce qu'on va voir que l'autre est clairement un chevalier faé, un chevalier enchanté ou fée, et qui semble avoir une origine un peu surnaturelle, ou en tout cas des pouvoirs. Gomrel Desrée, ça fait peut-être allusion à la même chose, il est peut-être assez fort. Gomrel, il est dans une espèce de plaine et il attend que quelqu'un le défie s'il met en doute qu'il a tué Gauvin. Le combat d'Espinogresse contre Gomrel dure jusqu'à midi, donc le récit pour l'instant suit Espinogresse dans ce combat-là, et Gauvin s'est séparé de lui. Gomrel plante sa lame dans le bouclier d'Espinogresse, c'est aussi une manœuvre que ce romancier aime bien, il y a beaucoup de lames qui sautent de la main des gens, ou bien qui se plantent dans un bouclier, ils ne peuvent plus les utiliser. Et il nous dit, elle se fractura au niveau de la poignée, si bien que le pommeau et la garde, tout ornés d'or, lui restèrent seuls dans la main. Je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, le texte, quand on lit la prose, la traduction en prose des versions en vers, il y a plein de moments qui sont assez fleuris dans les scènes d'action et où c'est assez clair que c'est le vers qui impose ça, où on est obligé de faire rimer. Donc on va parler de l'armure pleine de pierres qui tombe ou la poignée brodée d'or. Donc vous avez un côté assez, peut-être pas frivole, mais on remarque quand c'est du vers que le combat est pas très... Les descriptions de combat sont pas forcément très utilitaires, en fait, et ça donne cette espèce de style. Et donc comme il a perdu son arme, il abandonne. Espinogresse lui accorde sa merci, mais il devra venir se constituer prisonnier à la cour et proclamer s'être trompé et constater que Gauvin est en bonne santé. Alors Espinogresse ne sait pas que Gauvin était en train de l'accompagner, mais il dit on va aller à la cour et vous allez voir que vous avez tort. De son côté, Gauvin va affronter l'orgueilleux Fae, l'orgueilleux fée, donc le fée orgueilleux, qui crie aussi sa proclamation de son côté. Donc il est vraiment, vraiment sur la place publique en train de dire « J'ai tué Gauvin, qui veut me défier, qui veut m'affronter ?» Gauvin lui dit, monsieur, il arrive, c'est très drôle la scène où Gauvin arrive très deadpan et il lui annonce, monsieur, je crois que vous n'avez pas tué Gauvin et que vous affirmez des sornettes. Le combat est aussi très rapide, il parvient à le transpercer d'un coup avec sa monture, donc de nouveau, le coup, il... Gauvin a vraiment quelque chose contre les chevaux ici, genre, il a, je vais protéger Gringalet et je vais tuer tous les chevaux que je rencontre, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est Gauvin tueur de chevaux, non, c'est sera la Tolkien, tu sais. Il est très... Et donc il lui dit de venir à la cour, d'amener son ami avec lui, et il dit « Si le roi vous permet de la voir, vous pourrez la voir, et sinon, bah, vous devrez renoncer à votre amour pour elle. » Cher seigneur, donc il est vaincu, il dit « Cher seigneur, je soupçonne, ce n'est pas là une subtilité de ma pensée, mais le pressentiment de mon cœur, d'après ce que je perçois et vois de votre comportement, que vous appartenez à la maison du roi. Aussi vous prierai-je si vous pouviez de me révéler votre état afin d'en être tout à fait sûr. » Et il dit « Par ma foi, fait-il, je suis Gauvin. Il n'y a aucune raison de vous cacher mon nom maintenant que j'ai prouvé par les armes que je suis bien vivant et en bonne santé. » Donc ça peut avoir l'air un peu myope comme vision du monde, quoi, de dire que Gauvin ne peut même pas dire « Mais c'est moi, Gauvin !» ou juste proclamer que... Mais parce qu'il n'a pas de moyen de le prouver, parce que personne ne le reconnaît. Et c'est vrai que je suis d'accord que cette affirmation de l'idole inconnue est assez vraie, parce que Gauvin, il évolue dans un monde où tout le monde le connaît et tout le monde l'invoque. Donc il y a des demoiselles qui l'invoquent comme témoin de la chasteté de leur amant, qui dit « Jurez-le sur Gauvin ». Il y a une dame, quand il lui vole la nourriture, il dit « Si Gauvin était vivant, ça ne se passerait pas comme ça ». Il y a ces chevaliers qui sont en peine, en amour, parce qu'ils sont comparés défavorablement à Gauvin. Et pourtant, personne ne le reconnaît quand il le voit. Quoi. Et donc, Gauvin récapitule toute l'histoire, et il explique à l'orgueilleux fée comment il a... Vraiment, c'est vraiment la fin de l'épisode un peu policier, où il raconte comment il en est venu à mettre ensemble toutes les pièces du puzzle. Il dit « J'ai rencontré l'écuyer, machin et tout ». Et il dit « On va voir comment vous serez jugé à la cour, parce que ben, vous avez quand même commis des crimes ». Et l'orgueilleux fée dit « Non mais attendez, parce que je peux rendre la vue à l'écuyer qui a été éborgné, et je peux aussi ressusciter celui qu'on a démembré ». Donc Gauvin dit « Bon ben, si vous arrivez à le faire, ce serait bien ». Mais il mérite de son fait, en fait. Hein. Et donc, il se passe un dernier combat qui est inséré dans l'histoire. C'est un combat contre un chevalier à l'armure noire qui défie Gomeret et Espinogresse. Donc, Gomeret et Espinogresse sont en train de revenir. Il les désarçonne. Gauvin veut l'affronter, mais il y a l'orgueilleux fée qui dit « Non, dans mon pays, on ne fait pas comme ça. » Il y a pas mal de gens. Il y a un petit côté Astérix où les gens disent « Non, dans mon pays, on ne fait pas comme ça, les combats. » Et il dit, il se précipite devant Gauvin, il se fait aussi battre. Le chevalier à l'armure noire part avec leurs trois chevaux. Gauvin part après lui, ils sont toujours avec la demoiselle, justement, et avec les demoiselles avec l'ami de l'orgueilleux fée. Gauvin part après lui et il l'affronte furieusement et il lui propose plusieurs fois d'abandonner le combat. En fait, il dit à Gauvin, abandonnez les chevaux et la dame et vous aurez la vie sauve. La nuit tombe, donc le combat dure extrêmement longtemps et la nuit est en train de tomber. Et le chevalier noir dit, bon, arrêtons-nous, vous voyez bien que c'est la nuit, on peut pas se battre dans ces conditions, on reprendra demain. Et Gauvin dit, non, non, je veux en avoir le cœur net et je veux finir ce combat. Il dit, non, mais je veux pas me battre contre vous. Et il dit, mais je veux pas me battre contre vous, mais au moins je veux savoir votre nom. Et Gauvin dit, je suis Gauvin. Et là, il y a le type qui tombe à genoux et qui lui demande pardon en se présentant. Il dit, je suis le Lait Hardy, qui est un peu le symétrique du Beauquoir, qu'on avait déjà vu aussi. Un de ses personnages secondaires qui intervient régulièrement dans ses textes arthuriens. Et donc, ils vont un peu revenir sur leurs traces, c'est-à-dire qu'ils vont aller chez les gens qui l'ont hébergé avant. Ils arrivent chez Tristan qui ne rit pas, ils peuvent manger et se reposer. L'orgueilleux fée demande qu'on amène les reliquaires qui contiennent les bras du mort qu'ils avaient démembrés. Là, il y a une espèce de petite erreur, parce que dans la première version, on nous avait dit que l'orgueilleux fée avait donné un bras. Un bras, ouais, pas. Pour garder comme relique à Tristan. Il n'y a pas deux, mais enfin, visiblement, il y en a un qui a été récupéré entre temps. Et du coup, il rassemble en morceaux le type qui avait été tué par les deux chevaliers, enfin, par les trois chevaliers, plus les deux chevaliers plus le chevalier disparu. Et il est ramené à la vie, en fait, par l'orgueilleux fée. Ouais, il le rabiboche, il le reconstitue. C'est vraiment il met ses bras dessus. Et hop, il le ramène à la vie, vif comme un poisson. C'est vraiment Saint-Nicolas qui ramène à la vie les petits-enfants. Non, c'est limite s'il dit pas le troisième dit j'ai bien dormi en j'ai fait. Bien dormi, il se réveille et puis là, genre waouh, je. Ouf. Il dit quoi, ce cercueil dans mon pot de serre m'a bien. Apparemment, il était à moitié conscient de ce qui se passait. On apprend qu'il s'appelle Courtois de Huberlan. Donc on apprend son nom enfin, on apprend que ce n'était pas Gauvin. Tristan est témoin de la merveille ainsi que toute sa maisonnée. Il s'empresse de demander à l'orgueilleux qui lui avait fait don d'un tel pouvoir, et celui-ci répond « Il me fut donné la nuit où je suis né ». Donc là, on reprend le motif justement des fées, des marraines fées, en fait, qui veillent sur la naissance des enfants et qui augurent leur destin et qui leur donnent justement des pouvoirs. Donc on voit que ce n'est pas un être fée, mais il a été apparemment doté de ça par une fée, probablement à sa naissance. Il a été enchanté. Donc ils mangent bien, ils peuvent se reposer un peu chez Tristan. Ils repartent, ils retrouvent Codovrin le Roux et Raguidel de Langarde. Donc ils reviennent vraiment sur leur trace où ils avaient eu leurs potes. Et ils passent un bon moment à manger, se reposer, etc. Mais Gauvin dit, avant demain midi, je voudrais être à Carlion avec mes compagnons. Par contre, j'emmènerai avec moi ces jeunes filles si belles et courtoises. Juste, il fait son shopping de jeunes filles sur le chemin. Il dit, ouais, elles peuvent venir avec nous. Et en fait, on nous dit, vous avez pris avec vous le chevalier ici présent, le courtois, je sais maintenant qu'on avait pris pour vous le chevalier ici présent, Courtois de Huberlan, ainsi nommé parce qu'il ne voulut jamais appartenir à une cour. Alors apparemment, il s'appelle Courtois parce qu'il ne fait pas partie d'une cour. Et c'est un peu curieux quand même. Il y a une petite confusion en plus parce que juste après, on dit que c'est le roi de la Rouge Cité qui est comme ça, donc Brun sans pitié. Et c'est un peu bizarre. Juste après, vraiment, quelques paragraphes après dans le texte, on attribue plus ce trait de ne pas appartenir à une cour à Courtois de Huberlan, mais on dit maintenant que le roi de la Rouge Cité a été vaincu, bah, il fait partie de la cour comme les autres, alors qu'avant, il n'en faisait pas partie. Un peu bizarre. Mais donc, Arthur accueille Gauvin. Et il dit « Ah, tous ces gens qui ont répandu la fausse rumeur, il faudrait qu'on se venge d'eux. » Et Gauvin dit qu'il a déjà conclu une entente avec eux et qu'il faut juste le laisser à ça. Et il dit à Arthur « Sire, fait Gauvin, vous allez donner leurs amis aux deux chevaliers. Jamais depuis l'époque de Jérémie, vous n'avez vu deux êtres plus courtois. Vous donnerez la sienne à Espinogrès et Cadré épousera celle qu'il a reconquise. Raguidel obtiendra également son ami car il me rendit bien service en me fournissant un bon destrier. » Le roi, à son tour, parle du roi de la Rouge Cité, comment il s'est rendu à lui et a pris la vie de cour, lui qui n'y avait jamais appartenu, et comment il a fait serment de chérir désormais son ami. Donc on a le thème de, comme on avait l'orgueilleux de la lande, déjà chez Chrétien dans le conte du Graal, le thème du méchant mari vicieux, sadique, qui est ramené à la raison après un combat. Il s'ensuit donc les mariages de tout ce beau monde, et puis une grande fête avec des musiciens, et puis très prestigieuse, et puis il nous dit... Concluons ici l'histoire de l'Adpérieux, c'est la fin du livre, que Dieu nous accorde de vivre 100 ans et plus, amen. C'est intéressant qu'à la fin, je m'attendais à ce que Gauvin récupère, enfin qu'on nous dise quelque chose sur les amours de Gauvin avec la dame du cimetière en fait, ouais. Qui semble être celle avec laquelle il a plus d'affinité dans le récit, mais non, il n'y a rien en fait, tout le monde finit par avoir une copine sauf Gauvin, enfin une femme plutôt même à la fin. Oui, c'est assez curieux, c'est le seul truc que je trouvais vraiment curieux en fait, parce que sinon c'est du truc assez, c'est une fin assez classique quoi, attendu, même si ça implique plus de personnes que d'habitude, hein. Il y a toute cette compagnie de chevaliers récupérés, oui, comme tu disais, hein, l'espèce de groupe de jeux de rôle un peu. De groupe de jeux de rôle, mais c'est ça que j'aime bien comme idée, parce qu'on trouve ça aussi l'idée qu'on va. Mais généralement, c'est on rencontre un chevalier, il a un problème et on l'aide à résoudre son problème. Quoi. Et après, on va au prochain chevalier. Parce que là, il y a vraiment l'idée de. On amène les gens avec nous, ils vont faire la quête avec nous. Le combat final contre les deux méchants, il y a Espinogrès qui se charge d'un des deux, alors qu'à la base, c'est juste un type. À la base, c'est un méchant, c'est un type que Gauvin bat et ramène à la raison quant au fait qu'à la base, il allait être... Ouais, il y a vraiment ce côté, cette imbrication des histoires. Par exemple, le type qui est impliqué dans le... qui aide Gauvin à savoir ce qui se passe dans le l'âtre périlleux, qui se fait ensuite, qui se charge ensuite de s'occuper aussi de retarder le moment fatidique où le méchant va coucher avec la dame qu'il a enlevée. Il y a une imbrication, disons, des protagonistes qui sont pas seulement dans le cadre de leur propre, entre guillemets, aventure, dans la merveille qui est résolue, puis qu'après on oublie. Il y a vraiment une suite, en fait, assez logique, une imbrication assez intéressante, qui me semble, moi, plutôt venir des romans en prose, en fait. Il y a des parenthèses... comparé à un roman vert classique, là, on a clairement fait quelque chose qui est plus proche des grands cycles, même si on n'a pas tendance à oublier un chevalier pour aller... C'est toujours le même chevalier qui est suivi tout du long, contrairement au grand cycle en prose. Là, il y a vraiment peut-être cette parenté un peu plus grande, vu qu'on a... un casting qui va être réutilisé pour chaque aventure au lieu d'avoir un chevalier qui est utilisé qu'une seule fois et qu'après on oublie pour le reste de l'aventure. C'est vrai qu'un des trucs qui est dommage dans les romans médiévaux de la Table Ronde, je trouve, c'est qu'il y a très peu de travail en équipe en fait. Les chevaliers, ils se croisent sur la route et ils sont contents de se voir et ils se font des gros câlins quand ils se croisent, mais souvent ils sont là genre non, je dois faire ça seul. Ou alors, le duel, bien sûr, on le fait toujours seul parce que c'est les méchants qui se battent à plusieurs contre un, mais là, typiquement, l'idée de on peut être en nombre inférieur et quand même être plusieurs. Il y a, ce qui compense ça, en général, c'est les scènes de tournoi, mais c'est vraiment des jeux très ritualisés. Dans la tradition des chroniques, il y a des scènes de bataille, mais là, c'est vraiment une armée contre une autre armée. Là, on a vraiment l'idée du champ de bataille où les gens se battent. On a ça dans les romans en prose aussi. Mais cette idée de on va faire une aventure à 5 contre 20, c'est quelque chose d'assez rare. Et je trouve que c'est une dynamique qui est assez intéressante aussi. Comment ils sèment des gens derrière eux, puis après, à la fin, ils reviennent en arrière dire on a fini par accomplir la quête et on peut guérir l'écuyer. Je crois qu'on l'a pas dit d'ailleurs, mais oui. Ils croisent chez Codovrin. Oui, bien sûr, en plus de soigner le. De le démembrer, il trouve l'écuyer, il lui ramène la vue, et puis justement, il dit ah, je reconnais bien que c'est vous, Gauvin, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi vraiment, même si c'est plutôt confus, notamment au niveau des demoiselles qui n'ont jamais évidemment de prénom. Donc il y a des moments où honnêtement je savais plus quelle demoiselle accompagne Gauvin. Mais est-ce que telle demoiselle a continué avec lui, parce qu'en général en plus on mentionne pas toujours qu'elles sont là. Parfois ouais. On dit les deux chevaliers chevaux, non, en fait il y a toujours une demoiselle avec eux. Il y a toujours une demoiselle, puis jusqu'à ce qu'elle dise je meurs de faim, on sait pas qui. Ah oui, c'est elle. Bon, elle était mentionnée quand même juste avant. Mais il y a des récapitulations par événement de ce qui reste encore à faire, typiquement juste au moment où ils vont partir pour affronter le... Espinogresse, ils quittent la dame d'Espinogresse. On nous dit, ah, voilà ce qu'il leur reste à faire. Ils vont devoir aller se battre d'abord contre la personne qui a volé le cheval de Gauvin. Puis ensuite, ils vont devoir aller aider à tuer les deux chevaliers qui ont tué le faux Gauvin. Et Gauvin récupérera son nom. Et en plus, entre-temps, ça, c'est encore une étape, bien sûr, avec l'histoire de Cadrette. Mais il y a, disons, on nous tient au courant de l'avancée de la quête. Si on c'est la petite fenêtre sur le côté de l'écran qui dit, vous avez tué 3 sur 4 aventures. C'est ça, la quête continue. Quête suivante, voilà. Et donc, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce roman, c'est que l'auteur a pas l'air d'avoir décidé s'il était pour ou contre la misogynie, parce que d'un côté il y a que des méchants qui ont des espèces de grands discours misogynes, mais ils sont battus et ramenés à la raison, mais le narrateur a aussi des passages misogynes, mais aussi il y a ce truc avec par exemple Espinogresse justement, qui est que finalement c'est lui l'homme inconstant qui tient pas sa parole et puis qui va se parjurer comme tous les hommes parce que il a une espèce de envie impossible à assouvir de continuer à coucher avec d'autres femmes en fait. Donc je trouve qu'il y a un petit peu un passage un peu intéressant là-dessus par rapport, on va dire, au chevalier à l'épée qui est juste qui a clairement choisi son camp. Voilà, donc ça met un peu fin à la discussion de ces deux romans qui mettent en scène Gauvin, une fois un peu comme un faire-valoir ou un point de comparaison, et l'autre comme le héros qui doit rétablir son nom, qui libère un cimetière du diable, qui réussit à vaincre Escanor, dont la prophétie disait qu'il était peut-être capable de le vaincre. Beaucoup de choses intéressantes dans ce roman, la structure est assez bien gérée, ce qu'on appelle en anglais le pacing, le rythme de l'histoire est pas mal, je trouve, pour l'être périlleux, un classique certainement. Et un peu plus diffusé que les autres romans, donc il nous en reste quelques romans de Gauvin qu'on va aborder un de ces jours, peut-être pas cette année, peut-être qu'on les gardera pour plus tard, mais un beau, Les Merveilles de Rigomère, qui font aussi intervenir Lancelot, et même le roi Arthur, Les Merveilles de Rigomère, c'est un peu comme La Vengeance Tragédelle, vous avez 3 aventures en un pack, quelques autres romans comme ça. C'est tout pour ce mois-ci, on va vous laisser là-dessus. La prochaine fois, on ira plutôt du côté des terres de Germanie, on regardera plutôt du côté allemand, on a un peu négligé toute cette tradition depuis qu'on a examiné Wolfram von Eschenbach. En même temps, on a été emporté par le long fil des cycles en prose, donc ça a été difficile effectivement de faire un peu de place pour aborder des histoires allemandes, même certaines d'ailleurs comme le Lancelot qui sont plus anciennes que Wolfram. Hein. Mm-hmm. Wolfram, c'était un peu, on a parlé parce qu'on était en enchaînement à cause de Perceval, mais c'est vrai que ça mérite qu'on revienne un peu sur cette tradition allemande, à part cette excursion qu'on a déjà fait. Donc on ira un peu sur ce terrain, mais n'oubliez pas qu'on aura aussi une année beaucoup plus diverse, puisqu'on aura aussi des épisodes, je sais pas si on fera encore des épisodes spéciaux ou si ce sera nos épisodes réguliers. Probablement on va devoir faire 5 épisodes sur des films, parce que d'ici la fin de l'année, il y en a 3 autres qui vont sortir. Donc peut-être qu'on les fera en dehors du calendrier régulier, quoi. Mm-hmm. Mais toujours est-il qu'on se retrouvera au début du mois d'avril pour effectivement vous aborder la matière allemande de façon un peu plus profonde. Et d'ici là, on vous souhaite un très bon mois de mars. On espère que vous avez du plaisir à écouter les aventures de Gliglois et de Gauvin avec nous. Et on vous dit bien sûr de ne pas oublier que la quête continue.